elle peut vivre encore quelque temps, encore. Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas dans l'au-delà, vous savez. Donc on arrive à comprendre beaucoup de choses. Donc des pensées de paix, d'amour, de la lumière, de l'harmonie pour tous ces êtres. Pour la paix aussi dans le monde, pour tous ceux qui vont partir en vacances et ceux qui ne partent pas, qui restent seuls dans des maisons ou dans des hôpitaux et qui souffrent, des personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas partir en vacances, moi je leur envoie mes meilleures pensées. Merci à tous. Merci, je commence avec le côté droit. 1, 2, 3. Troisième la rangée, je suis entre les deux dames qui a perdu quelqu'un d'un cancer des intestins. Une des deux. Là, ici, vous, oui. Qui a perdu quelqu'un à l'hôpital d'un cancer des intestins? Je suis là. Deuxième, troisième rangée. Ou quatre. C'est là, je suis juste là. C'est une dame, hein. En tout cas, on me dit, monsieur, je m'excuse, c'est pas vous. C'est vous, madame, qui avez perdu quelqu'un d'un cancer des intestins? C'était qui pour vous? D'accord. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui vomissait les derniers temps de sa vie et tout ça. On est bien d'accord? C'est quelqu'un qui était très seul et qui était isolé. Je le vois, ce monsieur, il était très entouré et en même temps très seul, très isolé. Vous voyez ce que j'ai? Il y a du monde autour de lui, mais ce n'est pas vraiment ce que lui il voulait avoir. Il est délivré, ce monsieur. Ça ne fait pas longtemps qu'il est décédé. D'accord. Vous priez pour lui? Voilà. Il vous remercie pour toutes ses prières. Vous priez pour d'autres personnes décédées dans la famille aussi? 3-4 personnes, c'est ça? Elle est marrante. Je vois un monsieur avec un béret sur la tête, c'est qui? Un béret tout noir, comme ça, sur la tête. Je suis en plein dans la montagne, comme un berger, j'ai envie de dire. Il est beau, ce monsieur. Je pense à un grand-père pour moi, et c'est quelqu'un qui vous protège beaucoup. Il est content que vous soyez là aujourd'hui. Vous pensez souvent à lui? Voilà, il portait un béret sur la tête. Voilà, un berger avec un bâton, parce que je le vois qui grimpe et tout ça. Et il était heureux dans sa montagne. Il me dit qu'il retourne. À côté de cet endroit-là, je vois, il gardait des moutons, c'est ça? Non, il avait des moutons. Je vois des moutons et des vaches, c'est ça? D'accord. Et on m'en... c'est drôle, j'entends des chants. On me fait chanter. J'entends comme ça la musique. Hein. Je vous fais ce qu'on me donne. Hein. Et parce que et j'entends, je retourne là-bas et je suis heureux. Il est content que vous soyez là. C'était le grand-père de qui? Merci. Il vous protège beaucoup. Il aime beaucoup. C'est votre femme à côté? J'aime bien ta femme, qui me dit. Il est gonflé, grand-père. Hein. Il a du goût. Hein. Hein, on me donne ça. Vous avez des enfants? Non. Vous voulez des enfants? Vous en voulez deux? Ah ben ça, c'est bien, au moins. Pour une fois, qu'on ne me dit pas non. Et pour... Moi, je vois que vous aurez deux enfants. Ça fait pas longtemps que vous êtes mariés? Combien? 2 ans, oui, ça fait pas longtemps. On est bien d'accord. Pourquoi il me parle de déménagement, le grand-père? Vous voulez déménager? D'accord. C'est pourquoi je vois des cartons, des cartons, des cartons. Voilà, défais tes cartons et range la maison, que j'entends. Il était un peu assez pragmatique et autoritaire, ce monsieur. Et lui, il fallait filer, mais alors droit, hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il me fait comme ça, c'est pas comme ça, hein, avec lui. Hein. D'accord, on est bien d'accord? À côté de ce monsieur et de ce monsieur qui est décédé aussi, votre oncle qui est décédé, vous avez eu une série de 3 décès? Deux hommes et une femme, c'est qui est décédé? Oui. Une série de 3 décès. Vous rechercherez parce que ça marque très fort. Qui est Michel? Voilà. Il me dit, série de 3 décès, Michel. Hein. Donc tu cherches, hein, parce que tu vois pas, mais... Souvent, les gens, ils voient, mais après, moi, je suis partie. C'est trop tard. C'est dommage, hein. Tant pis, hein. Mais on me donne ça. Moi, il me parle de 2 enfants, un garçon et une fille. Il faudra choisir des jolis prénoms, qu'il me dit. Regarde, il me fait comme ça avec le doigt. Ça veut dire qu'il faut bien réfléchir, hein. D'accord? J'ai un prénom comme Jean, Jean-Louis, Jean-Marc, Jean... Voilà. Il est décédé aussi? Ah non, ben pas encore. Qu'il... Ben il n'est pas encore vivre un petit peu le monsieur, non? Il est malade? Voilà. Ah oui. C'est une sacrée maladie. Moi, j'ai un grand frère qui a cette maladie-là. Donc, il faudra prier beaucoup ça à ma mère, d'accord? On me donne ça. Il est malade, ce monsieur. Hein, il n'a pas une grippe ou une bronchite. Il est bien malade, on me dit. Vous voyez ce que je veux dire? Faire, il a agi, ce monsieur? Oui, mais à l'intérieur, je suis... J'ai pas les organes d'un monsieur de 45 ans, moi. Je suis... À l'intérieur, je suis... c'est tout vieux, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est usé de l'intérieur, d'accord? Qui est mort du cœur, qui est mort de la tête et qui est mort pendu. Chut. Non, non, je suis avec... Excusez-moi, je ne suis pas avec vous, hein? Oui. Je peux... Non, mais je peux terminer? Alors, à vous deux, là, le mari et la femme, qui est mort du cœur, qui est mort pendu et qui est mort de la tête? D'accord. Non, mais quelqu'un qui est décédé déjà de ça. Non, mais ben oui, t'es là aujourd'hui. D'accord. De la tête et qui est mort pendu. D'accord, c'est la tête, d'accord. Le grand-père du cœur. Et j'ai quelqu'un qui est décédé il y a longtemps pendu. On parle de ça. Qui c'est qui prie beaucoup, Jésus? C'est vous? Vous l'avez fait, puis après vous arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Ben ça arrange, je sais pas ce que fait là, mais vous le priez, puis après vous arrêtez, puis après, bon, on revient. C'est ça, hein, coquine. Faut vraiment le prier, d'accord? Faut pas hésiter, on me dit. D'accord? On me donne ça. Louis, ça vous donne quelque chose? Louis. Vous vous rappellerez de tous les prénoms que je vous ai dit? Parce que moi, je ne me rappelle plus après. Ben vous vous rechercherez parce que c'est autour de vous. D'accord, on parle de ça. Bon, on me dit que vous avez déménagé. Vous avez aménagé une maison, c'est ça? Voilà. Elle est mieux, celle-là. Hein, voilà, on me donne ça. C'est plein pied, là où vous êtes, c'est ça. Hein, il n'y a pas d'étage ni rien. Voilà, une maison plein pied, c'est ça. À côté, il y a un cours d'eau, pas loin. Non, mais est-ce que vous avez un cours d'eau pas loin de votre maison? À quelques mètres, on me donne de votre maison. Retenez-le parce que ça marque, on me donne ça. Vous avez prévu les chambres pour les petits? Pardon? Prévoyez, moi je vous le dis. Hein. Puis le porte-monnaie avec, hein, parce que ça va coûter cher, cette histoire. Pardon? D'accord. Vous avez frôlé la mort 3-4 fois, vous, monsieur, vous le savez? Consciemment et inconsciemment, on me donne. Tu m'en mets deux autres de plus. Je m'excuse, mais... Pardon? Ouais, vous chercherez, on me donne ça. Vous voulez vous faire opérer? Non, pas d'opération, on me dit, hein, d'accord? C'est important. On me donne ça. Tout le côté droit, tout le côté droit. Vous souffrez tout le temps du côté droit? Tout le côté droit. Ça me fait comme des paralysies, c'est ça? Voilà. À droite et dans le corps, est-ce que vous avez remarqué tout le côté droit? La jambe ou l'épaule ou... Est-ce que vous avez remarqué? Essayez de le remarquer, ça c'est important. Ça pète comme ça dans la tête, ça pète. Vous avez eu un AVC, c'est ça? Parce que paf, ça pète comme ça dans la tête. Wow, ça, j'entends le bruit et tout. C'est... Et c'était le côté droit, c'est ça? On est bien d'accord. Tu vois? Paf, ça me pète comme ça dans la tête, comme ça. Qui est Roger? Non, je suis encore. D'accord. Voilà. Et vous l'avez vu, vous l'avez consulté? Non. Il est spécialiste, il est quoi? Ben, il faudra peut-être qu'il le voie. On me donne ça. Et Brigitte, c'est qui? Elle a la langue bien pendue, on me dit, la Brigitte. Et donc, on est habillés, hein? Printemps, été, collection. Pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap. Ça y va, hein? Oh là là là là là là là là. On me donne ça. Pourquoi on me dit serre-toi de tes mains, serre-toi de tes mains? Vous bricolez, vous faites. Vous avez les mains en or, vous, hein? Vous y arrivez bien à bricoler. Ouais, on me donne ça. Pourquoi on me montre un escalier en bois? Vous avez eu un problème avec un escalier en bois? Vous étiez dans un endroit où il y a eu quelqu'un qui a. Peut-être quelqu'un qui a fait une chute d'un escalier en bois ou quelque chose comme ça. C'est bizarre, ça. On n'arrête pas. Avec insistance, on me montre un escalier en bois. Quelqu'un qui aurait dégringolé d'un escalier ou qui aurait... Ça vous donne quelque chose? Vous vous rappellerez parce qu'il est tout en bois, cet escalier. En colimaçon un peu. Pas droit. Un peu comme ça. Retenez-le. Dans la maison où vous étiez avant, il n'y avait pas d'escalier en bois? D'accord. On me donne ça. Vous voulez un point d'eau, vous voulez une piscine? Je vois un point d'eau, c'est un petit lac, c'est quelque chose. Je vois un point d'eau à côté de votre maison. Je pense que vous aurez une mare peut-être pour mettre des poissons ou des trucs comme ça. Je ne sais pas, mais je vois un point d'eau à côté de votre maison. Mais ça n'existe pas là pour l'instant. C'est quelque chose que vous ferez par là, un bassin ou quelque chose comme ça. On est bien d'accord? Vous mettrez ça. Le signe du poisson, ça vous donne quelque chose? Fin février, mars. Personne pour vous, madame, non plus? D'accord. On me donne ça. Vous avez ces deux personnes qui vous aident beaucoup. Vous avez Michel qui vous aide beaucoup et votre grand-père, le berger. Moi, j'aime bien le grand-père. Je vous trouve comme ça, voilà. Dis donc, ça mangeait le saucisson, hein? C'est lui qui faisait du saucisson comme ça? Il me monte des boyaux comme ça, il est en train de tirer. Et il me remplit les trucs avec la viande et tout ça. Il faisait du saucisson d'âne, votre grand-père? Du cochon, c'est ça? Voilà. Et qui c'est qui faisait du saucisson d'âne? Pardon? D'accord, parce que ça marque très fort sur lui. Hein. Qui est... Pardon? D'accord. J'espère qu'il n'a pas tué pour faire du saucisson. Hein. On donne ça. Il aimait bien chanter dans la nature, votre grand-père? Voilà. Il retourne tout le temps, son âme, son entité, tout le temps dans ces montagnes, et ça chante et tout ça. C'est très heureux là où il est de l'autre côté. Il vous protège beaucoup, votre grand-père. Vous savez, je peux vous dire une chose, heureusement qu'il est là sur vous parce que c'est important. Pourquoi il me parle d'une famille nombreuse? Qui c'est qui était d'une famille nombreuse? Combien d'enfants ils étaient? J'allais dire 7 ou 8. On est bien d'accord? Voilà, c'est bien. Et il me dit, je n'avais pas tout ce que toi tu as. Est-ce que vous comprenez le message? Faut comprendre. Vous voulez changer de voiture aussi, monsieur? Je pense que vous changerez. D'accord? C'est juste comme ça. Pour moi, il y a une grossesse dans l'air, là. Hein? D'accord? Je suis pas tout bim, mais... D'accord? J'entends heureux événements. Mais d'abord, il fallait qu'on passe toutes les catastrophes. D'accord? Avez-vous une question, monsieur ou madame? Pour le bébé? J'en ai deux. Commence par un, c'est déjà pas mal. Hein? D'accord? Et prévoyez la chambre, surtout. Rangez-moi les cartons. Voilà, c'est ce qu'on me dit de faire, hein, d'accord? Vous inquiétez pas, vous allez les avoir, vos bébés. Ah là, qu'est-ce qu'elle... Faut lâcher prise. Et pour avoir un bébé en bonne santé, c'est Saint-Gérard de Majella qu'on prie. C'est un saint que l'on prie pour avoir un bébé en bonne santé, d'accord? Voilà, un beau prénom, le grand-père, il a dit. Peut-être qu'il voudrait un prénom corse ou quelque chose comme ça. Tiens. Tu vois, le grand-père, il est là, ça rigole plus, là. Il est... quand même assez fort. Là, j'étais sur le côté gauche et j'étais avec la Bretagne. Ça marche pour quelqu'un? Parce que j'entends le bignou. C'est les fesses, c'est ça, c'est les trucs. Oh là, j'entends le bruit, la cornemuse et tout, c'est drôle. Les fesses en Bretagne, on parle de ça. Alors, c'est curieux. Qui était paysan et quelqu'un qui était pêcheur, c'est pas du tout la même chose. C'est dans vos ancêtres ou pas? J'avais des gens qui labouraient la terre, d'accord? Et je suis dans une maison, il n'y a même pas de plancher par terre. Si tu rentres à l'intérieur, c'est de la terre brute, comme on dit. Il n'y a pas de parquet, il n'y a pas de carrelage, rien du tout. Je vois un poêle à charbon, c'est comme une longère, et je vois une grand-mère qui est devant, comme ça, avec sa blouse, son tablier. Elle était veuve, cette dame-là, habillée tout le temps en noir. Habillée tout en noir. Et elle est devant, c'est-à-dire qu'elle est dans l'enclure de la maison, c'est-à-dire en plein dans l'entrée de la maison. Est-ce que ça marque? Une arrière-grand-mère, on me dit. Même pas une grand-mère, une arrière-grand-mère. Et elle me parle le breton. T'es navot, il a dit tada, tout ça. Donc, je suis pas d'accord, je comprends rien, moi, mais. Est-ce que ça marque? Elle était toute seule, cette dame-là. Hein? Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle. Elle faisait la cuisine. Elle faisait bien la cuisine et tout ça. Et elle portait des sabots aux pieds. Donc, c'est vieux parce que, regarde, dans la maison, il n'y a pas de plancher. Il n'y a rien du tout. J'ai des sabots aux pieds. Je suis habillée tout en noir avec elle. Et c'est une femme qui est restée seule. Elle a pas, soit elle était veuve, soit elle a perdu quelqu'un. Elle n'a pas refait sa vie, cette dame-là. Est-ce que vous voyez qui c'est ? Vous étiez petit, elle me dit. Elle vous protège. Ben oui, mais elle vous protège. Ben oui, mais elle est même tout petit, elle est là, d'accord ? Pardon ? Voilà, on me donne ça. Et c'est curieux parce que là, je vois quelqu'un, il me fait jeter comme ça. Je suis à la pêche et puis je ramasse des huîtres aussi. Qui c'est qui est à la pêche et qui a ramassé des huîtres ? On est bien d'accord, merci. Des coquillages. Je remplis, je mets dans des seaux. Je remonte les pantalons comme ça et je marche dans l'eau, plaf, plaf, plaf. Et puis je me baisse, je ramasse des coquilles, je les mets dans les seaux comme ça, les seaux jaunes en plastique. On est bien d'accord ? Voilà. Et on vivait avec ce qu'on avait, on était très heureux, on me dit de dire. C'est exact ? Oui, on était très heureux, on me donne ça. Qui est décédé d'un accident de voiture ? Waouh ! Et la voiture morte, hein ? Mais il n'a pas eu le temps de se marier. Ben oui, parce qu'il me dit, j'ai pas eu le temps de me marier, il me dit. Il vous fait un coucou aujourd'hui, votre beau-frère. Enfin, c'était votre beau-frère, oui. Elle a refait sa vie, votre soeur ? Il n'était pas très content. Ben oui, je m'en fous, je vous le dis. Il n'était pas très content. Il aurait aimé que... Oui. Ben oui. Ben c'est pour ça qu'il est pas très content de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui élève son enfant qui est le sien et pas le sien, quoi, comme on dit. Vous comprenez le message ? Il avait eu déjà un pressentiment qu'il allait mourir, ce monsieur ? Parce qu'il est décédé jeune, quand même, hein ? Quel âge il avait ? Ouais, il pensait pas qu'il allait mourir comme ça. Pourquoi il me parle de remariage ? C'était un remariage ? Il avait été déjà marié, divorcé, et il voulait se remarier avec votre sœur, c'est ça, hein ? On est bien d'accord. Il a plusieurs enfants, 2, 3 ? Voilà, pas de la même mère, on dit. Vous savez pas. Voilà, c'est ce qu'on me donne, pas de la même mère. On me donne ça. De temps en temps, il vient vous aider, votre beau-frère. Vous vous occupez de votre nièce, vous ? Vous la voyez jamais ? On montre dos à dos. Vous leur tournez le dos à votre famille ? Ben oui, je sais pas, mais on montre votre dos, ça veut dire... Hein ? On est bien d'accord ? Je peux pas dire que c'est les grands mamours, c'est les grands... Hein ? On se voit pas tous les week-ends et on... Oui, mais... On donne ça. Qui est décédé, monsieur, en absorbant quelque chose de liquide ? Mais j'ai envie de dire... Je suis à l'intérieur, complètement brûlée. Je suis complètement brûlée. J'ai plus de gorge, j'ai plus rien qui a été absorbé comme ça du produit. Quelqu'un qui s'est suicidé avec, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, de l'acide ou quelque chose comme ça. C'est une mort quand même violente, ça. Hein. Ça vous donne rien ? Et c'est là-haut, hein, c'est pas par ici. Hein. Mais on me le donne, ça. Hein. On me donne ça. Vous vous intéressez au massage, vous ? Non, vous en avez jamais fait ? Ben oui, mais pourquoi vous me dites non alors ? Oui, mais vous vous êtes intéressé au massage, d'accord ? À la guérison, mais au massage, on me donne. Et on me dit, vous avez peut-être commencé, vous n'avez pas terminé. Souvent, vous commencez, vous ne terminez pas les choses. Waouh ! Tu vois, parce qu'on me remet les massages, les mains bien à plat. Et on me dit, il aurait dû continuer. Il n'a pas continué. On n'est pas content là-haut. D'accord ? Je pense que vous avez cette grand-mère là, que vous avez toute petite, qui avait le don. Elle parle en breton et tout ça. Je ne comprends pas qu'elle est navo et tout. Elle me dit bonjour et tout. Elle est drôle. Elle faisait tout le temps des galettes. D'accord ? Elle avait un foutu caractère, cette dame, quand même. Hein ? Et elle est tout le temps sur vous, tout le temps sur vous. Elle vous guide comme une lanterne, comme ça. Vous avez votre beau-frère aussi qui vient vous voir et vous avez votre papa. Et vous étiez fâché avec votre papa aussi ? C'était pas triste, hein ? Ben, c'est, ça parlait pas, donc pas de problème. Hein. C'était tout dans le non-dit. Aucune conversation, rien. On est bien d'accord ? un manque d'amour, un manque de comment on appelle ça, de démonstration, tout ça. Vous avez beaucoup souffert, monsieur, vous. Hein? Je trouve que vous en sortez pas mal, quand même. Ben, c'est pas peut-être, mais quand même. Parce que c'est quand même, on y laisse des séquelles. C'est pas facile. Qui est Georges? Et JP? JP, c'est Jean-Paul, Jean-Pascal, Jean-Pierre, Jean-Philippe. JP, j'entends. Et qui, les derniers temps de sa vie, était dans un fauteuil roulant? Qui n'a pas été dans un fauteuil roulant toute sa vie, les derniers temps de sa vie qu'on transportait dans un fauteuil roulant? C'est votre papa? Ah oui, vous ne l'avez pas vu. D'accord. Il y en a beaucoup décédés. Je vois un calvaire breton aussi. Est-ce que ça, avec la croix, les trucs et tout. À l'entrée d'un visage. À l'entrée d'un village. Quimper, Quimperlé, Quin quelque chose. Est-ce que ça marque pour vous? Quimper, Quimperlé, est-ce que ça vous donne quelque chose? Et j'ai la ville de Vannes aussi avec vous, ça marque? Et pourquoi on m'a mis Vannes, Quimper, Quimperlé? Ah, je veux comprendre. Qui c'est qui habitait là-bas? Voilà, c'est ça. Mais là, quand même, c'était heureux, on me donne. Quand vous étiez en vacances et tout ça, c'était heureux. C'est après quand il fallait rentrer. Qui c'est qui cultivait la patate? Je vois des champs de pommes de terre. Puis on me dit, regarde les pommes de terre, regarde les pommes de terre. Des belles pommes de terre hein, qu'il faisait ce monsieur. Il avait l'amour du travail quand même. Hein. C'est drôle. Et puis c'est vieux ça aussi. J'ai quelqu'un qui tire, vous savez, avec les chevaux comme ça et qui fait des saillies comme ça. Pour un cultivateur. Donc c'est à l'ancienne ça, parce que c'est pas avec le tracteur ni rien. Voilà, c'était qui pour vous qui faisait ça? Votre grand-père, on me donne ça. Un prénom avec un A, ça vous donne quelque chose? Alain, Antoine, Arthur, Aimé, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a plein des prénoms avec un A. André? Oui. Pourtant, on me met un grand A tout doré comme ça sur votre tête. Vous voyez pas? On me donne ça, un grand A. Vous, vous vous intéressez au magnétisme, à la guérison, à la radiesthésie aussi, c'est ça, hein, d'accord? On est bien d'accord? Chercher de l'eau, comme les sorciers, c'est bien ça. Mais il faut commencer et terminer les choses. Pas content là-haut, on me dit. Là, tu te fais engueuler aujourd'hui. Eh oui. Hein. Souvent, vous... En fait, vous touchez à tout, excusez-moi de vous dire, mais en même temps, ça touche à rien parce qu'on ne va pas au fond des choses. C'est dommage. D'abord, on est d'accord. Vous tirez les cartes aussi, vous, monsieur. C'est des tarots de méditation, c'est ça? Oui, mais je sais. Oui, mais vous faisiez. Et les runes aussi, vous faites aussi? Mais vous pourriez le faire. Mais oui, mais en même temps, c'est... on me montre un éventail avec plein de choses. Mais c'est dommage parce que vous approfondissez pas les choses. Et ça, c'est très dommage. Pourquoi vous allez chercher dans les bouquins les choses? Va pas chercher. Pose ton livre, on te dit là-haut. Waouh! J'ai monsieur Allan Kardec sur vous. Oui, mais Kardec, pourquoi on l'appelait Kardec? De son vrai prénom, Hippolyte Rivail, c'est qui? Il était quoi? Ben, il était d'origine bretonne. Et alors? Oh là là là là là là. Le livre des esprits, le livre des médiums, lisez ça, pof, allez hop. Ben oui, mais c'est pas par hasard. Je vous ai dit Hippolyte Rivail de son prénom, d'accord? Kardec, c'était son prénom breton, donc c'est pas pour rien. D'accord? La lettre J aussi, ça vous donne quelque chose? La lettre A, il voit pas, et la lettre J non plus, c'est ça? C'est qui? Jean. D'accord. C'était... Ouais. Et JP, c'est qui? Vous ne savez pas non plus. Jean-Paul, Jean-Pierre, Jean-Philippe, Jean-Pascal, ça ne vous donne rien. Dans la famille non plus, vous ne savez pas. Même personne mariée ou quelque chose comme ça, ça ne vous donne rien. Qui est décédé noyé, qui est décédé brûlé. Là, je voyais comme une espèce de grange qui prend feu. C'est vieux, ça. Vous ne savez pas. Vous n'avez plus du tout de nouvelles de votre famille, vous. D'accord. Vous devez les revoir ? Oui, vous allez monter les voir. Mais on vous attend. Hein. Ah ben, c'est pas peut-être. Et il faudra faire comme si rien ne s'était passé. Waouh ! Ça, c'est pas facile. Hein. Eh ben, le plus neuf, ça va, oui. Ah ben, il fait beau, hein, dehors. Quel temps il fait ? Quelle température ? Vous voyez ce que... Vous parlez de la pluie, du beau temps. Surtout, ne parlez pas de choses spirituelles. Regarde ce qu'on me fait faire. Sinon, vous savez, chez vous, vous avez des gens qui sont très terre-à-terre, très bruts de décoffrage. Hein. On est bien d'accord ? Tu arrives, tu leur commences à parler machin, ils vont te regarder. Je sais, mais ils vont vous prendre pour un fou. Surtout, vous ne parlez pas de ça. D'accord ? C'est ce qu'on me donne. Et le pêcheur qui allait à la ligne et qui allait chercher des huîtres et tout, c'était qui ce monsieur ? Voilà. Ben oui, je vous ai dit la terre d'un côté, de l'autre côté, j'ai la mer aussi. Donc c'est votre lignée, d'accord ? Je pense que vous avez un grand-père qui était guérisseur. Mais c'est cette femme-là, surtout, là, habillée tout en noir et tout, qui parle en breton. Elle avait des dons extraordinaires. Elle avait des grands yeux bleus, cette dame-là. Ah ben c'est bien. Je pense qu'elle avait des yeux. Cette femme-là, elle pouvait, je ne sais pas si elle savait pratiquer l'hypnose, mais sans le savoir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle avait des dons, c'était inné. Mais à cette époque-là, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Pourquoi on parle de groupe de prière ? Vous faites partie d'un groupe de prière, monsieur ? D'accord, on me donne ça. Et le pendule, tu l'as dans la poche ? Sors-moi ton pendule. D'habitude, tu l'as toujours dans ta poche. On me dit ton pendule dans ta poche. Gauche et pas la droite, parce que tu le mettais dans ta poche droite. Et il faut le mettre dans ta poche gauche. D'accord ? Gérard, Gégé. C'est qui, Gégé ? Il est plutôt sympathique, celui-là. On me donne ça. Bon, vous avez encore votre maman ? Voilà. Elle est âgée, maman. Quel âge a-t-elle ? Mais vivra vieille, hein, il y a encore du temps. Hein. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui, bah dis donc, elle est costaud, la mamie. Hein. Elle va encore, pas qu'elle vous les enterrera à tous, mais disons qu'il y a encore. Elle va en voir partir des gens autour d'elle, mais elle sera toujours debout, la grand-mère. Hein. On me donne ça. Et Raymond ou Raymonde, ça vous donne quelque chose ? C'est un vieux prénom, ça ? Vous ne savez pas. Dans la famille là-bas, vous ne vous rappelez pas, ni rien au niveau. Mais vous allez certainement avoir des surprises, surtout. Parlez pas de Bruno Gröning, machin et tout, parce qu'ils vont. Hein ? On est bien d'accord ? Vous vouliez les soigner, vous voulez les aider en plus. C'est terrible, hein ? Et comment on peut aider les siens quand ils ne croient pas en ces choses-là ? C'est terrible, terrible. Ça fait mal, hein ? Ça fait très, très mal. On me donne. Peut-être de leur parler d'un guérisseur dans le pays ou dans le coin. Mais. Voilà, c'est ça. Mais je sais, je vous ai dit, vous avez un grand-père et la tante ou la grand-mère, là, qui était toute seule, qui faisait ça, qui avait des dons extraordinaires. Elle était même plus forte que le monsieur, la dame que vous avez sur vous. Et c'est elle qui vous guide dans votre vie. Vous avez un fils ? Oui, mais vous avez un fils qui vous donne beaucoup de problèmes, c'est ça ? Vous avez un fils, vous n'êtes jamais tranquille pour lui. Ils sont adultes, vos enfants. Quel âge ils ont ? Voilà. C'est celui-là qui vous inquiète le plus ? Pourtant, on me dit, il y a un fils, Yannick. Il y a un fils qui vous donne du souci. C'est lequel ? Qui c'est qui a eu des problèmes de travail ou de voix, qui cherchait un peu qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas ? Oui, ben, c'est comme votre fils. Il vous donne du souci. Il est marginal un peu, lui? Ouais, même très marginal. C'est un artiste. C'est un indigo. Mais c'est un indigo et c'est un artiste. Lui, il est ici sur la terre. Mais qu'est-ce que je fous ici? Je regarde à gauche. Je regarde. Ah, je me suis trompée d'époque, là. De siècle, de. Voilà. Je suis là, je regarde à gauche. Mais qu'est-ce que je fous ici? Tout le fait chier, tout le. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de les voir. J'aime. Il a des envies de mourir des fois. Mais il a eu beaucoup de fois des envies de mourir. Il pensait beaucoup au suicide, madame. Plus d'une fois, moi je vous le dis. Heureusement que vous êtes là et que vous lui parlez et tout, parce que ça va vite, hein. C'est, je vous ai dit, c'est un artiste. Mais oui. Alors, je vais vous dire une chose. Votre fils, il a 18 ans, c'est ça, 18, 20 ans, 18 ans. Quand il va dans une soirée de jeunes de son âge, bah, tous les jeunes, ils picolent, ils fument des joints et tout. Bah, lui, il arrive là-dedans, mais qu'est-ce que je fous ici? Moi, j'ai pas envie de boire. Mais pourquoi ils boivent? Ils sont nuls. Et pourquoi ils se droguent? C'est nul. Et pourquoi? Alors, allez, hop, je fais demi-tour, je rentre chez moi et puis ça ira mieux. Est-ce que... Voilà. Et il est tout le temps en permanence en souffrance. C'est pour ça que je vous ai dit, il cherche, comme on dit, sa moitié. C'est qu'une jeune fille va faire une rencontre karmique, votre fils. Allez, il doit retrouver ce qu'on appelle sa moitié ici. Et il doit faire quelque chose avec cette personne. Mais il ne la connaît pas pour l'instant. Je ne sais pas. Mais moi, je vois quelqu'un avec qui ça vient d'une autre vie. C'est quelque chose de très, très fort. Mais vraiment fort. Pour l'instant, je ne pense pas que... pour l'instant, je vous ai dit, il ne vit pas dans son époque. Et puis, il avait que la mort dans l'âme. Et pour lui, la seule solution, c'était mourir, aller de l'autre côté pour pas être ici avec tous ces gens et tout ça. Le signe des Gémeaux ou le signe... Ou des jumeaux, ça marque? Oui. Vous avez des problèmes avec elle? Mais c'est... Alors, on est réconciliés, mais on est passé d'amis. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. J'ai quand même malgré... Il y a toujours un doute ou toujours quelque... Hein, on n'est jamais... Faut... Vous n'êtes pas mariés tous les deux? Si, vous êtes remariés, c'est ça? Parce qu'on me dit que ce n'est pas leur premier mariage. Tous les deux, c'est ça? Vous étiez divorcés tous les deux quand vous êtes rencontrés, c'est ça? On donne ça. Pourtant, dans une autre vie, vous êtes déjà connus, hein, ça c'est sûr. Vous ressentez ça, non? C'est jusqu'à la mort, tous les deux. On est bien d'accord? On me dit jusqu'à la mort. Mais par contre, il y a une évolution, il y a des changements et tout ça. Vous vous écoutez pas? Il est têtu comme un breton, c'est le cas de le dire. Oui, mais il n'écoute pas. Hein. Vous lui dites les choses, ça rentre par là, ça sort par là, c'est ça? C'est ça? Parce qu'elle vous donne beaucoup de conseils, beaucoup de choses et tout ça, et vous ne l'écoutez pas. Et il faut l'écouter, votre femme. C'est pour votre bien qu'elle dit ça, c'est important. On donne ça. Parce que ça fait un peu comme des rapports de force, et il ne faut pas ça. Hein, un couple, c'est marcher tous les deux côte à côte dans la même direction, d'accord? Il y a une évolution spirituelle, hein. Il y a un groupe, on vous demande de faire beaucoup de choses et tout ça. Donc il faut être vraiment unis, comme on dit. Il faut être vraiment comme ça, quoi. Vous comprenez? Vous restez, monsieur, je m'excuse, beaucoup sur le passé. Pourquoi le passé comme ça? J'ai du mal à oublier le passé. Ben oui, mais il faut faire un travail sur vous pour vous libérer de tout ça. D'accord. Il y a des anniversaires là bientôt? C'est qui? Il y en a deux, trois? Donc vous êtes trois Gémeaux, c'est ça? Cancer. D'accord. Parce que j'ai trois anniversaires, moi, c'est ça? De garçon, une fille, c'est ça? Je ne sais pas qui. Peut-être vous, mais vous, comme vous ne voyez pas au niveau de votre famille, parce que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous avez connu quelqu'un qui a perdu la tête les derniers temps avant de partir? Vous ne savez pas. Mais peut-être que là, vous allez savoir, mais j'ai quelqu'un qui a perdu la tête avant de partir. Non, c'est quelqu'un avant de partir de l'autre côté avait perdu la tête. Donc il faudra vous renseigner. Je pense que c'est dans votre famille. Et puis je ne sais pas pourquoi j'ai quelqu'un qui a ouvert le capot d'une voiture et qui est vraiment couché sur le moteur en train de faire de la mécanique et tout. C'est qui ça? Qui c'est qui fait de la mécanique? Mais vraiment, j'ai les mains dans le cambouis. On y va gaiement. Hein. Mais. Mais vraiment, et qu'adore ça. Il te démonte les trucs, le moteur, il te le remonte et tout. Il est doué, ce garçon. Il va revenir. Il est parti, là. Ils sont séparés, ils ont fait une rupture. Je pense qu'il va revenir. On donne ça. Vous avez 3 ou 4 enfants, vous, madame? Ah, d'accord. Mais pas du même père. Voilà, c'est... Alors, pourquoi 3 et 4, ça fait 7 pour moi. Je veux comprendre. Ah, parce que j'entends 4, 3, 4, 3, je veux comprendre. Moi, il faut... Mais j'entends 4, 3, 4, 3. Donc, excusez-moi, c'est pas 43, mais c'est 4, 3, c'est pas pareil. Bah oui, c'est une tribu là après. Hein. On me donne ça. J'ai une femme aussi, elle est marrante, elle a du poil sur le menton et tout. On me fait rire. Elle vendait des œufs. C'est qui cette dame, monsieur? Vous savez, dans des paniers en osier, comme ça, et puis je la vois, hop, elle met, allons-y gaiement, elle me met son bras comme ça sous le panier, elle porte son panier avec des œufs, puis elle va vendre avec un foulard et puis des petits poils un peu là. Je m'excuse, hein, mais c'était qui? Hein? Elle est décédée, cette dame-là? Ouais. Elle vous fait un coucou aujourd'hui. Elle se fait bien reconnaître avec son panier d'œufs. C'est drôle. La période de Pâques, ça marque aussi pour vous, monsieur? Ou pour madame, peut-être. Les fêtes de Pâques. C'est avril. Ça marque pas. Le signe du bélier ou du taureau, ça marque pas non plus. Merci. Ça a dû marquer, à mon avis. Hein. Il a bien marqué. Est-ce que je dis pas dans le bon sens, mais à mon avis, ça a marqué. Pchut. On est bien d'accord? Voilà. Elle a voulu vous dépouiller? Non? Il n'est pas arrivé. Ouais, il n'est pas arrivé. Heureusement que vous êtes protégés, vous, par vos ancêtres. Hein. La grand-mère, elle est drôle. Bon, là, je vous vois aller. Comment on appelle ça? Un caveau. Vous avez un caveau familial où il y a plein de personnes qui sont enterrées de votre famille? C'est un petit cimetière. Il n'est pas grand, ce cimetière. À côté, il y a une église. Ça vous donne ou pas? Pas loin, il y a une église, monsieur. Vous vous rappellerez? Vous irez dans ce cimetière. Merci. Vous me dites non, mais vous dites, écoutez, il y a une église. Non, mais moi, je voyais ça. Là, c'est bientôt que vous partez. J'entends, il faut y aller. Est-ce que vous avez des doutes? J'y vais pas, j'y vais. Il faut y aller. Non, il faut y aller, monsieur. On ne peut plus reculer, là. C'est pas possible. Vous avez quelque chose à régler sur place. Et il faut terminer. Faut, comme on dit, vous savez, boucler la boucle pour passer à autre chose. Et vous ne pouvez pas avancer dans votre vie à faire ce que vous voulez faire, soigner, aider les gens et tout ça, avec toutes ces histoires par rapport à la... C'est trop lourd pour vous, ça vous pollue, vous comprenez, monsieur? Et ce n'est pas vous, ça. J'ai le prénom de Jérémy aussi. Je ne sais pas qui c'est. Il a des soucis de santé, ce Jérémy? Voilà. Je vois l'hôpital sur cette personne. Il a été hospitalisé ou pas? Mais ça va aller mieux. D'accord? Voilà, mais je pense que le petit, il a eu très très peur, ou il a eu peur peut-être de perdre son père ou quelque chose comme ça. Il a été un peu traumatisé, il faut l'aider. Vous qui priez pour envoyer lui plein de bonnes choses à ce petit. D'accord? Bon, là ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Hein. Oui, encore en amélioration. Vous avez perdu un chat et un chien? Oui. On avait perdu un chat. Est-ce que autrefois, c'est vous. Je vois un berger allemand là. Qui il était celui-là? Dans les anciens. Eh bien oui, mais c'est. Oui, ça ressemble avec le musée. Il est décédé. Mais ben, il est entre vous de la tête. Il neige un peu et feu, ce chien. Moi, je noir et feu. Voilà. Mais il est, la tête, elle est entre. Voilà. Quand vous avez perdu ce chien-là, ça a été terrible. On donne ça. Et Annie, le prénom d'Annie, ça vous donne quelque chose? Est-ce que vous avez une question à poser? J'ai une question. Monsieur, d'abord le breton. Je vois le triskel qui tourne. Vous l'avez le triskel chez vous, monsieur? Vous savez ce que vous ferez quand vous irez en Bretagne? Achetez-moi un beau triskel breton que vous ramènerez chez vous. Vous vous rappellerez de ça? Et vous le mettrez dans la pièce où vous soignerez plus tard. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Votre question? Oui, mais pour pouvoir changer de métier, il faut que tu changes de vie. Ça va de soi. D'accord? Moi, je vois soigner des gens. Vous avez une table déjà pour poser les personnes et tout ça? Voilà, parce que je vois une table comme ça, parce que j'entends « allongez-vous ». J'entends « allongez-vous ». C'est drôle, vous soignerez beaucoup des personnes âgées. Vous aimez bien les personnes âgées? Je vous vois beaucoup aider les personnes âgées. Vous vous rappellerez de ça? Vous travaillerez ensemble, mais en même temps pas ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Ensemble et pas ensemble. C'est curieux. Physiquement, c'est pas ensemble. Est-ce que vous comprenez? Vous allez la voir, ma petite dame. Ne vous inquiétez pas. Votre bonheur, vous l'aurez. C'est une question que de temps. Ne doutez pas. Regardez-moi quand je vous parle. Ne doutez pas. Par contre, monsieur, il a un gros travail à faire. Hein. Il faut l'aider pour ça. D'accord? C'est pas la phrase qu'on dit magique pour le meilleur et pour le pire. D'accord? Ouais. Vous tchez, il vous fait une grosse liche. Il me montre une C-langue. Je vous dis pas, il avait la langue pendante comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mais une sacrée langue rose, bien rose comme ça. Hein, vous avez votre chien qui est là, hein, entre vous deux, c'est des protections ça, tout ça. Hein. Viens vous voir. Vous soignerez même les animaux, vous vous rappellerez de ça? Voilà. Mais tout de suite, c'est pas possible. Regardez le chemin par là où vous êtes passé et à quoi vous êtes arrivé aujourd'hui. Donc n'oubliez pas. D'accord? Hein. Et pas dans la maison où vous êtes. Non. Non. Oui. Oui, partez-moi de cette maison. Voilà. J'entends là-haut, je te la corde. Voilà. J'aime pas cette maison. Pardon, excusez-moi, mais... Maison, ça a une âme. Hein. D'accord. Et puis j'entends... Je termine parce que, disons, il y a du monde. J'entends Madame Edith Piaf. Non, rien de rien, on ne regrette rien. Est-ce que vous comprenez le message? Voilà, madame. Allez, bonne Bretagne. Qu'en avez-vous? Je vous laisse. Là, j'étais par là et j'étais avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui est décédé noyé. Ça marque pour quelqu'un par là. Est-ce que vous avez connu quelqu'un qui est décédé noyé? Pourtant, je suis par là. Hein. Un copain de votre fils, jeune. Quel âge? Pardon? Voilà. Il aurait quel âge aujourd'hui? 9 ans. D'accord. Il y a eu. C'est marrant parce qu'on a retrouvé le corps, mais pas tout de suite, c'est ça? Voilà, mais on ne l'a pas retrouvé tout de suite, le corps. Les personnes ont cherché, on ne l'a pas retrouvé tout de suite, c'est ce qu'on me donne. J'entends, c'était un accident. Voilà. Ben j'entends, c'était pas volontaire, c'était un accident, j'entends. D'accord? Votre fils, Il a un copain imaginaire comme ça avec qui il parle souvent? Oui. Il est assez renfermé, votre fils, madame? Il n'est pas expansif, c'est quelqu'un qui reste tout introverti. Et je pense qu'il a cet ami imaginaire, mais je pense que c'est ce petit garçon. Il est brun, votre fils, madame? Parce que je vois un blond avec des yeux bleus et je vois un brun avec des yeux un peu verts ou quelque chose comme ça, c'est qui? Voilà, mais il est foncé de cheveux, châtain. Pardon? Pas brun comme moi, mais il est châtain foncé. Et le petit qui est décédé était blond aux yeux bleus, non? Voilà, c'est ça. Vraiment blond, comme les blés, on me donne. Hein. C'est pas la même couleur de cheveux. Pardon? Voilà. Ça remonte à combien de temps, ça? 4 ans, 5 ans? 4 à 5 ans en arrière. Il est bien de l'autre côté, il aide beaucoup votre fils. Vous avez eu des soucis avec votre dos, vous, madame? Pas réglé. Ouais, mais c'est pas réglé. Si j'ai mal à mon dos, j'ai mal à ma vie. Ça veut dire que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui est René? D'accord. Elle vous embrasse. Qui c'est qui faisait du tricot et du crochet? C'est elle? Je vois quelqu'un qui tricote et puis alors elle me fait 2 aiguilles, 4 aiguilles. Elle faisait des... La dame qui tricotait, qui est décédée, elle faisait beaucoup des écharpes ou des cols roulés ou des... Je sais pas. C'est qui cette dame-là? Voilà. Parce qu'elle arrête pas de me montrer des aiguilles. J'en ai là, j'en ai sur le dessus. Et puis vas-y que je tricote. Et dessus, dessous, tout ça. Elle faisait beaucoup du tricot pour tout le monde, elle me dit. On est bien d'accord? Voilà, des pulls, des cols roulés, des choses, je sais pas ce qu'elle fait, des écharpes, des choses comme ça. On me donne ça. Vous êtes mariée, madame, vous? Voilà, vous êtes seule, c'est ça? Oui. Vous voulez rencontrer quelqu'un? Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me donne. Oui. Tant que vous n'êtes pas divorcé officiellement, vous comprenez, vous pourrez pas. Vous aurez un choix à faire entre deux personnes, madame. Vous vous rappellerez de ça? Pas facile, ça. Des fois, on n'a pas le choix, on s'est fait larguer, donc. on n'a pas le choix. Mais c'est vous qui choisirez. Parce que des fois, on ne choisit pas aussi. Vous vous rappellerez de ça, madame? Vous avez beaucoup changé physiquement, vous? Plus vous vieillirez, mieux ça sera. Vous vous rappellerez? C'est comme le bon vin. Pardon? Ben vous verrez, vous irez beaucoup mieux même dans votre tête et tout ça. C'est beaucoup plus clair, me donne. J'ai un prénom avec un G. J'ai un prénom qui se termine par être. Ginette, Yvette, Paulette. C'est qui? C'est qui Ginette? Ma mère a une marraine. Quand vous étiez petite, vous étiez souvent seule, vous. Voilà. Et mais en fait, en même temps, vous aimez bien la solitude et tout ça. Vous isolez. C'était un besoin, c'était une nécessité pour vous. Ce n'était pas un calvaire ou ce n'était pas une souffrance. Dans votre aura, vous avez beaucoup de... Vous faites tout ce qu'artistique et tout ça. Vous êtes attiré par ça, vous. Voilà. Mais vous-même, vous avez un côté artiste. Vous êtes intéressé au dessin ou à la peinture? Mais vous ne faites pas. Mais ça serait bien de développer. Et je pense que vous y trouveriez quelque chose d'extraordinaire dedans. Ça serait très très bien. Bon, j'ai mal en haut du dos, j'ai mal aux reins aussi et aux lombaires. Donc ça me coupe là, ici, tout le bas du dos, tout le bas du dos. Vous avez mal souvent au bas du dos? Vous êtes bloqué souvent, vous? Voilà, c'est ça. Mais je suis bloqué avec vous. Et ça vous arrive de vous bloquer dans le lit? Ben oui, c'est ça. Hein. Et vous étiez debout, le canapé, le lit, le canapé, ou un truc comme ça, vous faisiez une grand-mère, quoi, en fait. Pardon? Voilà, on est bien d'accord. Essayez de faire quelque chose de créatif et d'artistique. Vous avez un potentiel et vous ne développez pas. Et c'est très dommage. La peinture, essayez. J'ai le chant aussi avec vous. Vous n'en faites pas non plus. Faire partie d'une chorale ou quoi, ça vous plairait pas? Oui, mais vous ne faites pas. Vous restez quand même dans votre truc. On me donne ça. Bon, le petit garçon qui est mort d'une mort accidentelle et tout ça, c'était pas beau quand on l'a retrouvé, hein. Il était dans la boue, parce que dans la bouche et tout, j'ai de l'eau, de la boue et tout, j'ai plein de. Voilà, c'est ça. J'ai plein de l'eau gluante et tout ça, c'était pas propre, hein, on me donne ça. Il a retrouvé un chat de l'autre côté, ce petit garçon de l'autre côté. Vous voyez les parents de ce jeune homme ou pas? Voilà. Mais c'était des voisins à vous ou... Oui, des voisins, c'est ce qu'on me donne. On me donne ça. C'est un divorce à l'amiable? Bah oui, mais lui, j'y crois pas. Il n'y a que le mot qui est amiable, c'est tout. Attention. Pardon, non, aucun cadeau il te fera. T'entends? C'est œil pour œil, dent pour dent, ça. Donc, non, je suis désolée. Et puis là, vraiment, vous êtes très. J'entends, elle est déçue. Elle est déçue. Elle est très, très, très déçue. Voilà ce que j'entends. Oui, parce que. Ben voilà, vous ne le voyez pas sous cet angle-là. Et là, j'ai envie de dire, un sou, c'est un sou, la Marie. Hein? Parce que je... Pas de cadeau. D'accord? Vous êtes passé en conciliation, là, déjà? Voilà. Et vous avez arrivé à trouver quelque chose, un peu un terrain dans... D'accord. Vous savez, même divorcé, il continuera à vous embêter un petit peu. Hein? Oui, vous avez bien fait. Pourquoi la région parisienne? Je vois la tour Eiffel avec vous, madame. Merci. Je voyais la tour Eiffel sur votre tête d'un coup, là. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Vous y retournez de temps en temps à Paris? Peut-être ça serait bien d'y retourner. Pourquoi Montmartre avec vous? Le quartier de Montmartre? Le quartier des peintres encore, tu vois? Vous savez pas. Vous connaissez Montmartre? Vous savez pas. Mais vous retenez le Montmartre, d'accord? Ouais. On me donne ça. Vous avez deux ou trois enfants? Trois. Ils sont beaux, vos enfants. Ouais. Vous avez un garçon qui est très intelligent. Vraiment, mais alors l'esprit, clac, clac, clac, ça percute tout de suite. Oh, mais il a une intelligence, ce gamin, extraordinaire. Hein? Extraordinaire, madame. Non, il n'est pas bipolaire, il n'est pas tout ça. Hein. Non, c'est qu'il a une intelligence vraiment. Un peu comme un surdoué, vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait peut-être le mettre dans une école spécialisée et tout ça. Je sais pas ce que c'est, mais moi j'entends école spécialisée. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Voilà. Oui, mais il est très intelligent. D'accord? Il n'y en a plus pour longtemps pour le divorce, là. Vous arrivez à la fin, là, non, c'est ça? D'ici septembre, c'est réglé. Septembre, les mois breux, madame. Septembre, octobre, novembre ou décembre. J'entends le breux comme ça. Hein, ça va se régler, madame. Vous vous rappellerez d'ici la fin de cette année. Avez-vous une question à poser? Donc. Pourquoi on me dit autre chose? Eh bien, c'est ça, un stage, une formation, on me donne. Oui, autre chose. C'est drôle. Vous êtes jamais, vous avez pas voulu être naturopathe, vous? Ben oui, naturopathe, je vous aurais bien vu, moi. Ben oui, ben je peux y aller. Ben oui, je sais pas, mais naturopathe, ça serait pas mal pour vous. Vous êtes proche de la nature, proche de toutes ces choses-là, ça serait pas mal. D'accord? Et qui est Corinne? Et après, j'arrête. Vous aurez de ces nouvelles, madame. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Oui, mais vous aurez de ces nouvelles. D'accord? Là, j'étais par là, devant, et je suis avec une femme. Elle pleure, elle n'a pas levé la main, peut-être. Hein? Elle arrête pas de pleurer. Aïe, aïe, aïe. Par là, devant. Une femme qui pleure beaucoup. Elle a perdu plusieurs personnes et tout ça, il a du mal à se remettre. Quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, et puis c'est vraiment, ça me porte là, c'est fort. C'est pas Par rapport à la famille, on me donne. Par là. Je suis pas avec vous, madame, avec... Ben oui, ben alors, coquine. Ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Elle est coquine, hein. Tu vois, je suis obligée de venir vers vous parce qu'on me le donne. Hein, vous pleurez beaucoup, on est bien d'accord? Pardon? Oui, je sais. Et vous avez l'impression qu'ils font plus rien pour vous là-haut, qu'on vous a abandonné ou des choses comme ça? Ben pas du tout, madame. Chez vous, vous avez les lumières qui claquent un peu des fois, les bruits dans les meubles un peu. Ça craque, hein? Il y a du monde, hein, chez vous, madame. Vous pouvez laisser la porte ouverte, il n'y a pas de problème. Vous êtes surveillée. Vous êtes veuve, madame, vous? Voilà, madame la veuve, on me dit. Waouh. Ben oui, c'est bien pour vous. Et pourtant, avec votre mari, c'était pas toujours... Ça criait des fois un peu, non? Voilà. Vous l'avez accompagné jusqu'au bout, madame, votre mari, on est bien d'accord. Hein, hein. Puis vous ne voulez pas refaire votre vie, vous? Non. Mais je sais. Je crois pas que vous chercherez tout court. Madame, un militaire avec des décorations, c'est qui? Il me dit, regarde, regarde, comme ça. Il me fait, regarde, regarde. Ben oui, mais qui était gradé, hein, c'était qui? D'accord. Qui était parti de rien et qui avait quand même pas mal réussi. Il vient de temps en temps vous voir. Votre mari le voit de l'autre côté. Ça fait pas longtemps que votre mari est parti? Non. Voilà. Et vous n'arrivez pas à accepter, à faire le deuil. Elle comprend pas, elle accepte pas, il me dit. On est bien d'accord. Vous lui parlez tout le temps? Oui. Il me dit, dis-lui que j'ai bien compris, que c'est pas la peine de répéter. Pardon. Je m'excuse, hein. Pourquoi vous lui demandez quelque chose en ce moment ou pas? Voilà. Il me dit, ça va, c'est bon, j'ai compris. C'est pas la peine de répéter, qu'il me dit. D'accord? Vous lui demandez qu'il aide des personnes autour de vous, c'est ça? Voilà. Il me dit, je fais ce que je peux. Je me dis, je fais ce que je peux. On est bien d'accord? Il y a des personnes qui divorcent autour de vous, là, ou pas? Voilà. J'en ai deux autour de vous qui vont divorcer. C'est qui? Oui. Hein. Vous savez ce qu'il me dit? Votre mari, tant mieux qu'il divorce. Pourquoi? Il aimait pas votre belle-fille, peut-être? Elle lui plaisait... Hein? Elle lui plaisait un peu moyen. Votre mari, il avait un franc-parler, comme ça? Voilà. C'était quelqu'un de très, très droit. Avec un i, le point sur le dessus, vous voyez ce que je veux dire? Lui, c'était blanc ou noir, mais c'était pas gris avec lui. On est bien d'accord? Voilà. Parce qu'il me parle de la belle-fille, il me fait... Je m'excuse, hein? Voilà. Et il me fait tomber une alliance par terre, ça veut dire divorce, il me dit. Et puis alors, faut vraiment divorcer, hein? Est-ce qu'on doit revenir? Est-ce qu'on doit lutter? Non, divorce, j'entends. Il fréquente quelqu'un d'autre, votre fils? Non? Ça va pas tarder. Ben oui. On me donne ça. C'est drôle, tout d'un coup, je suis sur une balançoire comme ça. Il y a des enfants qui se balancent sur une balançoire comme ça. C'est où, là? Je suis là, ouais, j'entends, ça crie, ouais, comme ça. C'est qui? C'est vos petits-enfants? Ils s'éclatent. Qu'est-ce qu'ils sont heureux sur cette foutue balançoire? C'est incroyable. Elle est où, cette balançoire? C'est chez votre fils? Chez vous? Mais qu'est-ce qu'ils sont heureux? Ils adorent venir chez vous? Voilà. Il ne veut plus repartir après? Alors, pourquoi j'entends mamie confiture? Vous faites des confitures, vous? C'est quoi tous ces pots? D'accord, je vois les pots avec les étiquettes sur le dessus, comme ça. D'accord. Dis donc, et qui c'est qui faisait le foie gras aussi? Vous le faites plus, hein? Pourtant, il était pas mal. Le vôtre. Ben oui, mais je vous le dis. Vous faites bien la cuisine. Mais en ce moment, vous avez pas trop... Hein, vous avez perdu le goût, vous, hein? On est bien d'accord? Qui est André dit Dédé? André dit Dédé. J'entends Dédé. C'était qui? C'était un copain à votre mari? C'était qui? Voilà. Il me dit, dis-lui que je le vois. Il me dit de vous le dire. Et qui est Odette? Vous entendez bien avec Odette? Voilà. Il me dit, embrasse Odette. Embrasse Odette. Embrasse Odette, il me dit. Oui, mais il me dit... De l'embrasse, de pas l'oublier, quoi, c'est important. D'accord? On me donne ça. C'est drôle, madame, qui c'est qui avait perdu toutes ses dents, en haut et en bas, et j'ai un dentier qui flotte dans un verre d'eau, là, vous savez? Qui c'est qui avait plus ses dents, en haut et en bas? qu'avait ce qu'on appelle, oui, collé avec le fixe-dent, là, je vois trop quoi. C'est drôle. Puis je vois, c'est dans le verre, ça flotte, vous savez. C'était la grand-mère qui avait ça, c'est qui ? Votre belle-mère. Elle avait un dentier en haut et en bas, elle me dit. On est bien d'accord ? Voilà. Et elle me le met dans le verre comme ça. Elle est décédée, la mémé ? Voilà. C'était sa mère ? Voilà. Il me dit de vous dire qu'il est avec. Elle se fait reconnaître avec le dentier dans le verre. Elle est gentille, non ? Hein ? Ah oui, oui. C'était votre maman ? Elle est bien de l'autre côté, votre mère. Elle n'a plus besoin de tout ça, donc... Ben oui, on n'a plus besoin de tout ça. C'est drôle, tout d'un coup, je suis sur un... Qui c'est qui faisait du vélo ? Du vélo, comme du vélo de course, vous voyez, avec des petits pneus comme ça, là. C'est... Oui, c'est du vélo... Oui, mais qui... Et puis... Je le vends comme ça, vous savez. J'entends le bruit. Quelqu'un qui va très, très vite à vélo, hein. Vous savez qu'on a des petits pneus comme ça, c'est pas du VTT ou VTC, qui fait des vélos de course, comme on dit, avec les guidons comme ça, et on est baissé, là, comme ça, on dirait Poulidor. C'est qui ? C'est votre beau-frère, madame ? Il est doué, celui-là, on me donne ça. Qui c'est qui voudrait faire un voyage dans les îles ? C'est votre mari à côté ? Votre beau-frère ? Ben, il faudrait peut-être s'organiser pour essayer de faire... Vous voulez aller où, madame, dans les îles ? Hein ? Ah tiens, quand est-ce que depuis longtemps, madame, vous voulez faire ce voyage? Et vous voulez y retourner? Il faut y aller, madame, c'est important. Mettez-vous une petite cagnotte avec des sous de côté ou quoi, mais il faut y aller, madame, c'est important. On me donne. Vous voulez y aller longtemps? Combien de temps? Non, un mois. Oui, c'est pas 15 jours, hein. Oui, vous irez longtemps. Là-bas, vous êtes hébergé et nourri au moins. Voilà. C'est juste le prix de l'avion et puis avoir un peu quand même sur soi, quoi. Pardon ? Oui, mais c'est pas encore son heure. Alors comment on fait ? D'accord, on va pas attendre que la grand-mère elle décède pour aller à l'île de la Réunion. Non, mais attends, si on attend après ça, ça va accélérer le processus, hein. Vous comprenez ? Qui est Thomas, madame ? Il est vivant, lui ? Il n'est pas trac, il me dit de vous dire, votre mari. Et Marcel ? C'est qui, Marcel ? D'accord. Elle est malade, cette dame ? Il faudrait passer un petit coup de fil. Vous lisez beaucoup, madame, vous ? Voilà. Et des fois, vous le sentez, votre mari, dans votre lit ? Ouais. Ça vous fait peur un peu ? Madame, un jour, vous allez voir votre mari. Ne criez surtout pas. Vous vous rappellerez de ce que je vous dis. Vous allez avoir ce qu'on appelle une matérialisation. Vous verrez même la forme du matelas et tout qui... Sentirez la présence et tout ça. Vous vous rappelez... Oui, mais c'est... Et puis, vous le verrez. Là, ça va faire quelque chose. Hein. D'accord ? Vous n'êtes jamais seule à la maison, ma petite dame. Laissez la porte ouverte. Hein. Pardon ? Il est souvent avec vous. Il ne vous lâche pas. Mais c'est pas encore votre heure, vous, hein. Il y a encore du temps, hein. Puis les petits-enfants et tout, ils ont besoin de vous, hein. C'est votre fille à côté ? Votre nièce ? Ils viennent tous vous voir chez vous ? Oui. L'auberge est bonne. Puis en plus, on repart avec des pots de confiture, ça va. Hein, c'est bien, hein. On est bien d'accord ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est des associations ? C'est quoi toutes ces associations, madame ? Qu'est-ce que vous faites avec toutes ces associations ? Voilà. Tout le temps en train d'aider les autres. Et si je peux faire pour là, pour arranger, puis là, une bonne femme. Vous priez beaucoup la Sainte Vierge, vous, madame ? Voilà, vous êtes sous la protection de Marie. Quand vous avez un problème, c'est à elle que vous devez vous adresser, ma petite dame. Et je vous laisse avec ça. Qui c'est qui était Nounou ? Alors ? C'est qui ? Quoi ? Votre mari, il était Nounou ? Nourrice ? Qui c'est qui était nourrice ? Ah, c'est votre fille. D'accord. Il y a des enfants qui sont partis, d'autres qui arrivent, là. Elle continue à être nourrice, votre fille. Je pense qu'il va y avoir des enfants qui vont partir et d'autres qui vont arriver. Il va y avoir un renouvellement en ce qui concerne les enfants qu'elle s'occupe. D'accord. Et vous avez quelqu'un qui a des problèmes de cataracte. J'espère que c'est pas vous. Non. Vous avez la vue qui a baissé, là, un peu. Ouais. Faire attention à votre vue, vous, en ville. Votre vue, vos dos, votre dos et vos dents. Les trois choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps à surveiller. Et je termine, vous avez un monsieur qui buvait du vin rouge. C'est qui ce monsieur? Il trinque comme ça, il arrive comme ça. Comme ça, il trinque avec toi comme ça. C'est qui ce monsieur? Qui buvait que du vin rouge. Puis alors, vous savez, du vin, c'est du vin... C'est pas du Bordeaux ou des trucs comme ça. C'était du 13 degrés, là, avec les bouteilles en verre fumé. C'est vieux, ça. C'est du le vin, mais alors vraiment... tu bois un verre, t'es pompette, hein. Qui, c'était votre papa qui buvait du vin rouge comme ça? Dans les bouteilles en verre fumé avec les petites étoiles au fond, c'est qui? Vous vous rappelez plus? Eh bien, retenez-les parce qu'on trinque avec vous, ma petite dame. Faut arrêter de pleurer parce que votre mari supporte pas quand vous pleurez, ma petite dame. Je suis désolée de vous le dire, hein. Je sais que pour vous, ça vous soulage et tout ça. Mais dès que vous pleurez, il est de l'autre côté. Il ne sait pas quoi faire. Mais il ne sait pas quoi faire. Et ça le rend malheureux, si vous saviez. Vous lui envoyez plutôt de la grisaille qu'autre chose. Je m'excuse de vous dire ça. D'accord? Plus tard, vous vous retrouverez, mais plus tard. Pas maintenant. Vous, vous êtes le pilier central de la maison. Pardon? Ben oui, mais vous aimez ça en plus. Vous êtes une coquine, vous. Hein, ne levez pas la main, mais... Mais vous aimez ça en plus. Si. Les enfants, les petits... Vous aimez ça, madame. Je le vois. D'accord? Et c'est très important pour vous. Voilà. C'est ce qui vous permet de continuer à vivre. Lui, par contre, il n'aurait jamais supporté votre mari que vous, vous partez avant lui. Hein, voilà. Mais alors, ça, c'était un truc, c'était sa hantise. Jamais il aurait pu le supporter. Je m'excuse de vous le dire, mais on le donne. Hein. Vous avez une question, madame? Voilà, on vous embrasse très fort. Alors, je ne sais pas si c'est votre papa ou quoi, ce monsieur, il fumait des gauloises et des gitanes. C'est vieux, ça. Mais est-ce que dans son jeune âge, il avait fumé des gauloises et des gitanes? Les paquets bleus, vous savez? Voilà ce qu'on me donne. Vous ne vous rappelez pas. Vous rechercherez. D'accord, je vous laisse. De rien, madame. On vous embrasse très fort. On me dit de vous dire on vous aime. Voilà. C'est la fête des pères bientôt, là. Hein? Donc il me dit... Non, c'est dimanche prochain, la fête des pères, non? Non, c'est pas... Non, dans une semaine. Le jour de la fête des pères, vous allumerez une belle bougie à votre mari, madame. Il sera avec vous, madame. Je vous laisse. Vous vous appelez papa et maman, tous les deux, ou quoi? Ça vous arrive? Pardon? Papa, maman, il s'appelait papa et maman, c'est un couple. Voilà. Je ne sais pas si vous referez votre vie. Vous avez le mari que vous avez, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous verrez. Un remariage, je n'y pense pas. Non, voilà ma petite dame. Allez, je vous laisse. J'ai quelqu'un sur le côté droit qui a tout perdu et qui a tout recommencé. Est-ce que ça marque, hein? Qui c'est qui a tout perdu et qui a tout recommencé, qui a été obligé de tout recommencer? Sur le côté droit. Qui côtoie quelqu'un qui a tout perdu et qui a dû tout recommencer? Vous savez, quand on repart comme ça, à zéro, quoi, dans la vie. C'est quand même important, hein? Je suis là sur la droite. Je crois que je suis au fond. Ben oui, pour derrière hein, le mur. Hein. Alors, est-ce que ça marque, madame, pour vous? Est-ce que vous avez connu quelqu'un qui a tout perdu? Merci, madame. Ils sont durs aujourd'hui avec les uns. Disons la vache, hein, on me donne ça. Et vous osez pas. C'était qui pour vous, ce monsieur? Voilà. Il travaille à son compte? Non? Il voudrait travailler à son compte? Ben, il faut le pousser. Mais quoi? Il a peur? Pourquoi vous ne pouvez rien lui dire? Ah, il n'est pas spirituel ce monsieur? Voilà. Il vous prendra un peu pour une cinglée? On est bien d'accord? Bon, moi j'ai quelqu'un quand même qui a tout parti qui a tout perdu et qui repart à zéro, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quel, et c'est, bon, il repart à zéro, donc comme on dit, c'est pas facile hein, quand même. Quel âge a-t-il? Plus de 50 ans? Voilà, comme le pastis, non, je rigole. 51 dans l'eau. Voilà, on me donne que c'est quelqu'un, donc c'est quelqu'un. Alors, c'est curieux parce que donc je vous ai dit dépouillement total, renouvellement total de vie. D'accord? Ben oui, mais c'est ce qu'on me donne. On me donne ça. Bernard, c'est qui? Merci, madame. Donc, pour moi, je pense pas que c'est terminé. Je sais pas, mais il y a quelque chose à comprendre, là. Vous êtes séparés, là? Voilà. Ben oui, vous vous l'aimez. Et vous voulez les récupérer. Quoi? C'est pas... Vous savez ce que ça veut dire, Bernard, ma petite dame? Ours dur, ça veut dire. Où est-ce que je... Le prénom, vous savez, ça... Oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui a très peur. Je vous ai dit, madame, il a tout perdu, s'il vous plaît. Donc, c'est dur, quand même, hein. À 50, plus de 50 ans, recommencer tout, tout repartir bon pied bon oeil, c'est pas évident, quand même. Faut beaucoup de patience avec ce monsieur. On donne ça. Oui, on me donne ça. Ça fait pas longtemps que vous avez rompu? En fait, vous avez rompu, mais vous appelez tout le temps. Donc, c'est pas rompu, ça. C'est que le nom, hein. C'est tu jettes par la porte, il rentre par la fenêtre. C'est ça, hein. Donc, on est bien d'accord. Oui, mais en fait, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de bisous, il n'y a plus rien, là. Depuis combien de temps, il n'y a plus rien? On va tout savoir. Non, mais depuis combien de temps, ma petite dame? Un an, deux ans? Il n'y a plus rien. Pourquoi on me fait remonter à deux ans en arrière? Merci. Et au début, il n'y avait rien ou... Ah, c'était nul. Ah, quand même, ouais, il fait peur. Au début, c'était passionnel, quand même, au départ. Voilà. On est dans... Et il est tout seul, Bernard? Voilà, on me donne ça. On dit, il a personne d'autre. Hein. Il n'est pas parti pour quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il est tout seul. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, qui a beaucoup de peine. Et comme il repart tout à zéro, tout, il ne veut pas vous entraîner dans ses galères et tout ça. Je m'excuse, madame, j'ai des problèmes de banque, d'huissier, de machin. Le gros, gros truc. Eh bien, je vais vous dire une chose. Le Bernard, là, ours dur, comme on dit. D'accord? Il va s'en sortir. Et moi, je vous le dis. Et il réglera toutes ses dettes. Vous m'entendez? Jusqu'au dernier centime, il réglera, madame. D'accord? Il bricole beaucoup, ce monsieur? Il est doué. Il aime bien le bois. Voilà. Parce que je le vois qu'il bricole. Je vois plein de... J'ai des marteaux, j'ai des pinces, j'ai des tournevis qui défilent dans les mains. Ça va très, très vite. D'accord? On me donne ça. Et les cheveux poivre et sel? Mais ou sinon, il aurait les cheveux poivre et sel? Ah ben ouais. Eh ben ouais. Il met des casquettes des fois sur la tête. Voilà, parce que je vois toujours avec une casquette. Et il met des pantalons avec des poches sur le côté, là. Comme des treillis ou des choses comme ça. Voilà, avec plein de poches. Et puis je mets les outils là-dedans. Il est drôle, le Bernard. Il me fait rire. Ah ben... Oui, mais c'est pas fini avec ton Bernard, hein. J'y peux rien, c'est pas le mien, c'est le tien. Hein. Et donc, c'est pas terminé, et puis vous avez beau essayer de dire, beau faire, et lui c'est pareil, il a beau essayer de te quitter, il n'y arrive pas. Puis il a besoin de toi. Mais ça, il va pas savoir te le dire. On est bien d'accord? Il y a des anniversaires là, bientôt, là, c'est qui? D'accord. Est-ce que Bernard, il a perdu sa maman? Non. C'est qui? C'est sa grand-mère, alors. Sa grand-mère, elle s'occupait de lui quand il était petit? D'accord. Pourquoi une voiture grise et une voiture bleue? Il a une voiture, lui? Quelle couleur? Ah. Bon, il hésitera peut-être entre une voiture grise et une voiture bleue. Non, ça. Il vient souvent chez vous? Mais il... C'est vous qui allez ou c'est... D'accord, on donne ça. Et René, c'est qui, René? Oui, par rapport à lui. Vous savez pas. C'est quelqu'un d'introverti. Ben oui, mais il s'est retiré parce que comme il avait tellement de problèmes et tout ça, il ne voulait pas vous entraîner dans ces problèmes-là. Vous comprenez, madame? Ben oui, mais... Est-ce qu'il a tendance à boire un petit coup, le Bernard? Non? Même pas les repas ou des trucs comme ça? Non. Hein? Je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui boit à côté de lui, en tout cas. Mais ça marque. Hein. D'accord. Et là, vous le voyez souvent, là? Vous mangez avec lui et tout? Ouais. Pas fini, cette histoire. Mais je sais que vous l'aimez. Attends, mais laisse-le régler les trucs et tout ça. Laisse-le remettre de l'ordre dans le désordre de sa vie. Ben oui, mais c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez objectivement qu'il vous propose cet homme avec toutes les galères qu'il a? C'est pas possible. Il est pas malhonnête, ce gars-là. C'est pas la même galère, on m'a dit. Je suis désolée. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. Lui, c'est quand même plus dramatique. Je dis qu'à tout perdu, c'est quand même... Vous, à grâce de Dieu, vous n'avez pas tout perdu. On est bien d'accord? Vous vous battez pour garder les choses et tout ça. Vous avez votre maison et tout, madame, vous, non? Ben, vous aurez une maison, alors. Oui, mais vous irez vivre dans une maison. C'est pas... Par exemple, avec Bernard, tu ne vivras jamais dans cet appartement. Non, mais attends, ça c'est sûr. Bah oui, mais elle est sûre, elle va bien. Non, mais attends, mais oui, non, mais attends. Les questions, les réponses. Non, mais moi, je te le dis, tu ne vivras jamais dans cet appartement avec ton Bernard. Bon, il revient, c'est pas terminé, mais il faut arrêter parce que... C'est drôle. Vous avez aussi une personne... Décroisez vos mains, vos jambes. Merci, c'est gentil. Vous me le dites si je vous dérange, hein, d'accord? On peut partir, hein? Non, mais. Oh là là. Non, mais je vous le dis. Vous avez connu, madame, quelqu'un qui est mort, qui s'est suicidé, qui s'était taillé les veines? Dans le passé, c'est loin, ça. C'est pas un passé récent. Ben, retenez-le, parce que ça, c'est quelque chose. Oh, j'ai quelqu'un qui vient comme ça et qui me montre comme ça, les veines toutes tailladées comme ça. Ah, et qui l'a fait, ça, c'est qui? Merci, madame. Parce qu'on n'arrête pas de me faire ça comme ça. Mais elle l'a fait plusieurs fois. Parce que j'ai les bras, on dirait des zèbres. Waouh! Mais elle l'a fait plusieurs fois. Hein, parce que j'ai les bras tout. Et puis on me montre à l'intérieur des bras comme ça. Elle a été aux frontières de la mort, votre maman. Elle a été réanimée ou quelque chose comme ça, mais elle a été. Elle a été aux frontières de la mort, c'est ce que je vous dis. Mais c'est ses bras tout zébrés comme ça que je vois tout tailladé. Et donc, on donne ça. Qui est Rose? Demanderait à votre maman. Ben, à mon avis, oui. Roseline, oui, peut-être. C'est qui? D'accord. Elle la protège, en tout cas. Elle a essayé encore de faire des tentatives, encore, votre mère? Ça y est, elle a compris que là-haut, on ne voulait pas d'elle. Ouais, ben voilà. Parce qu'avec tout ce qu'elle a fait, tous les bras, dis donc, bonjour, on donne ça. C'était une très belle femme, votre mère. Parce que je vois encore les traits et tout. Elle est belle, cette femme. Mon Dieu, quelle beauté. Et madame, je ne sais pas qui c'est, cette dame, elle vient, elle se présente à moi comme ça. Avec, vous savez, dans les années 40, un tailleur qui, bien taillé à la taille, comme ça. Et puis avec un petit chapeau, avec une voilette. C'était qui, cette dame-là? Ça peut être... Non, non, mais c'était qui est habillé comme ça? Vous savez, dans les années 40, comme ça. Mais vraiment magnifique aussi. Voilà. Vraiment ce qu'on appelle des belles femmes. On est bien d'accord? Et j'ai Odile aussi avec vous. Non, vivante. Oui, vivante, c'est qui? Oui, ça va pas. Bon, ton Bernard, là, moi, je le vois. Pourtant, je dis pas ça, mais lui, il va revenir. Hein. C'est pas... Ouais, ben... Je pense qu'il a de l'amour pour vous. Mais laissez-le juste le temps de régler des problèmes. D'accord, ma petite dame? Est-ce que vous avez une question? Ben, justement, aujourd'hui, c'est la Saint-Antoine. On dit Saint-Antoine de Padoue, rendez-moi ce qui n'est pas à vous. Saint-Antoine de Padoue est le saint que l'on prie pour retrouver tout ce que l'on a perdu. Mais c'est le saint aussi qu'on prie quand ça ne va pas dans le couple. D'accord? Oui? En 2014? Ah là, c'est récent. C'était qui pour vous? C'était comme une sœur pour vous? Même mieux qu'une sœur, on me dit, c'est ça. Hein? Là, pour l'instant, j'ai quelqu'un d'allongé, je ne touche pas. Ça veut dire que je me repose. Laisse-moi tranquille, j'entends. Oui, ouais, mais moi, je vois, c'est quelqu'un, je suis allongée avec elle. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore dégagée. Tant qu'elle n'est pas debout, ça veut dire... allumer des bougies. Vous savez ce que vous faites, madame? Vous mettez une photo, une bougie, une fleur coupée et non empotée pour votre amie, madame. D'accord? Faites-le pendant au moins 40 jours. Vous voulez l'aider? Faites ça, madame. D'accord? Oui, elle va mal. Même très mal. C'est comme Bernard. Vous, vous êtes la tranche de jambon entre les deux pains de mie. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Pas facile, hein, la vie, hein? Mais il n'est pas méchant, ce Bernard. D'accord? Voilà. Ah. C'est drôle, je termine avec vous, mais c'est très drôle. Pourquoi j'entends la country music, hein? C'est drôle. Vous connaissez des gens qui aiment bien tout ce qu'est la country et tout ça? Mais retenez-le, ça. Parce que j'ai des trucs de cow-boy. C'est, vous savez, ceux qui font de la danse country, c'est drôle. Mais retenez-le, ça. Peut-être que vous irez dans un endroit comme ça ou... Retenez-le. Vous bougez quand même de temps en temps? Oui, c'est tout le temps dans votre appartement? Oui, une cage dorée, comme on dit. Vous y resterez pas. Je vous laisse. Rien. Embrassez Bernard de ma part. Il n'est pas méchant, le Bernard. Des fois, vous savez, c'est pas facile. Hein? On donne ça. Là, j'étais par là, ce côté, avec quelqu'un qui a connu quelqu'un qui était menuisier. Menuisier. Pas charpentier, menuisier, qui me dit. Parce qu'il me montre une trousse, il me déroule la trousse, comme ça, avec tous les outils, comme ça, les petits outils. Et il faisait des bahuts. On dirait qu'il sculptait dans le bois et tout ça. C'est joli ce qu'il faisait, ce monsieur. Je suis par là. Est-ce que ça marche pour quelqu'un? Merci, madame. Il me dit, c'était mon métier, c'était son métier? Merci, madame. Il est décédé il y a longtemps? Pas combien de temps, madame? Voilà, on me donne ça. Vous avez été opéré plusieurs fois, vous? Hein, combien de fois? 4, 5 fois? Plus? Parce qu'il me dit, elle a été opérée plusieurs fois, il me dit comme ça. Vous êtes toute seule, madame? Oui, vous êtes seule. Ni mariée, ni vous vivez avec quelqu'un, ni... Vous êtes toute seule, on est bien d'accord. Oui, mais vous n'avez pas un gars de temps en temps. Même un 16h, 18h, un 4/4, comme vous dites. Il n'y a rien, il n'y a pas une béquille, il n'y a rien, quoi. Il n'y a personne. On est bien... Et ouais, il n'y a pas un casse-croûte. Il n'y a rien. Depuis longtemps, vous êtes seule, madame? Combien d'années? 14 ans, 15 ans? Plus, 20 ans? Oui, mais celui-là, il ne sert à rien. Oui, c'est ça. Les 20 dernières années, madame, vous avez traversé un tunnel, vous. Hein? Oh, mais alors, c'est Soran, ne vois-tu rien venir? Ben, la lumière, attends, je cherche l'interrupteur, parce que vous avez traversé un tunnel, mais c'est incroyable. Vous aussi, dépouillement total, hein, fallait travailler, tout travailler. Hein. On est bien d'accord? Donc, je vois une très belle évolution spirituelle sur vous. Hein. Mais dis donc, c'est cher payé aussi, hein, quand même. Hein. D'accord? Tout, vous avez été éprouvé sur tout. L'argent, le travail, la santé, tout ça. Et encore, c'est pas terminé. On est bien d'accord? On donne ça. Vous avez des frères et sœurs? Et vous les voyez jamais? Non, jamais. C'est-à-dire que, oui, mais ils viennent manger à la maison, vous faites les fêtes avec, non. Les anniversaires, les fêtes, Noël, jour de l'an, machin. Vous faites rien avec eux. Vous êtes seul, seul. On est bien d'accord ? Vous ne resterez pas seul. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais vous êtes difficile quand même. Pas comme ci, pas comme ça. On commande aux trois Suisses alors, c'est ça ? Ben oui. T'as vu ce qu'on me dit ? Ils rigolent, ils ont de l'humour avec vous. On le commande aux trois Suisses qui me disent. C'est drôle, quand même. D'accord, on me donne ça. Doucement le matin, pas trop vite le soir. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Pourquoi j'ai plein de plantes, des plantes, des plantes ? Dis-lui qu'elle se soigne avec les plantes, on me dit. Vous le faites déjà ? Pas assez. Il faut tout nettoyer, il faut purifier le sang, il faut vraiment drainer beaucoup de choses et tout ça. On est bien d'accord ? On me donne ça. Et frôler la mort plusieurs fois, madame. Vous le savez, hein ? Le cœur, les poumons, vous faites des allergies, vous, ou pas ? Bon. J'espère que vous n'êtes pas allergique à moi, parce que sinon... Hein, parce que j'entends, j'ai du mal à respirer, je suis allergique, j'ai du mal à respirer, je suis allergique. On est bien d'accord. Depuis longtemps, vous êtes allergique comme ça ? Voilà. Oui, mais vous savez ce que ça veut dire ? Vous avez fait de l'asthme aussi ? Jamais. Les allergies, tout ça, ça provoque de la... C'est souvent que vous n'étiez pas désiré, c'est ça ? Et moi, je vous le dis. Souvent, cette forme d'allergie-là, c'est quand on n'est pas désiré par les parents. Quand on arrive un peu comme un cheveu dans la soupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben, c'est ce que je vous dis, vous n'étiez pas désiré, ma petite. Alors, quand on n'est pas désiré dans la vie, eh ben, ça te poursuit. Hein ? On est bien... Et pourtant, toujours malade, jamais mourir. Toujours un truc, ah ça y est là, ça y est, je meurs. Ah ben non, on ressuscite et on repart sur autre chose. Non mais c'est vrai, hein, toujours malade, jamais mourir vous. Mais oui, à chaque fois, pof, on vous, c'est pas un treuil, mais on vous prend comme ça, comme une grue. On va vous rechercher au fond du truc et hop, vous ressortez et tout ça. Vous n'avez pas remarqué ? C'est drôle madame, pourquoi j'entends, qui c'est qui joue à la belote ? J'entends belote, rebelote, belote, rebelote. Qui est décédé. Ah ben j'ai quelqu'un qui... J'entends belote, rebelote. Et on jette les cartes comme ça, c'est drôle. Il jouait aux cartes ? Ouais, mais c'est des protections ça pour vous. Pardon ? Qui madame avait été volée ? Oh là, ils ont eu un vol, ils ont été dépouillés de tout hein, ou quoi ? D'accord. Mais on l'a bien volé, mais alors bien comme il faut. Hein. Pourquoi les tablettes de chocolat ? Pardon ? Ça vous dit rien ? Vous avez connu quelqu'un qui travaillait dans le chocolat ? Ben retenez-le, ça. Pas la marmotte qui replie le truc, les vins, mais j'ai des tablettes de chocolat, là. Et on me met des piles. Et puis du bon chocolat, hein ? On donne ça. Ah, peut-être par rapport à la Suisse. Ben oui, la Suisse, c'est le pays du chocolat. D'accord. Mais je ne sais pas, mais peut-être que dans vos ancêtres, il y avait quelqu'un qui fabriquait du chocolat ou... Vous ne les connaissez pas. D'accord. Vous avez des animaux, madame, vous ? Il est décédé ? Ça vous a beaucoup marqué ? Et du coup, vous n'en voulez plus. Voilà. Il est irremplaçable, ce chien-là, c'est ça ? D'accord. Vous voulez voyager ? Voilà. Vous voulez profiter de la vie ? J'ai envie de voyager, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de profiter de la vie, j'entends. Oui, c'est ce qu'on me donne de l'autre côté. On me donne ça. Pourquoi l'Alsace sur vous ? Retenez-le. Et pourquoi la langue allemande, comme ça, on parle en allemand ? Merci. On parle en allemand et tout, putain, j'ai dit, attends. Et qui était alsacien, mais du côté allemand, machin Vous ne savez pas, d'accord. On parle en allemand, ya, oui, on me dit, oula, je suis d'accord. Quelqu'un qui avait une voix vraiment très gutturale et très comme ça, tu vois, très droit. C'était qui ? Voilà, on me donne ça. Qui c'est aussi, madame, qui était horloger bijoutier ? On me fait remonter. Alors, on me remonte les pendules à l'heure, comme on dit, c'est le cas de le dire. Qui c'est qui travaillait sur des pendules ? Pas le pendule, les pendules. L'horlogerie. D'accord, c'est ça. On donne ça. Ça fait longtemps que vous habitez là où vous habitez, là? Oui, vous partirez, vous ne resterez pas là, vous. Hein. D'accord? Dès que vous pouvez et tout ça. La lettre B, c'est qui? Bruno? Bernard, c'est qui? Hein? Celui qui répare les horloges? D'accord. Celui que vous voyez une fois de temps en temps pour manger? Je ne sais pas chez qui, mais enfin. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ben oui, mais vous ne le voyez pas souvent. Ben oui, mais il faudrait peut-être aller voir la belle-sœur, hein, quand même. Ah ben, c'est pas grave, le week-end. On donne ça. Vous pensez que vous allez rester seule comme ça? Pourquoi vous pensez que vous allez rester seule? Ah ben, vous n'allez pas rester... Vous vous trouvez vieille, des fois, vous? Non, vous n'êtes pas vieille, hein, rien. Voilà. Moi, j'entends le mot guérison sur vous. J'entends... Vous avez vu plein de guérisseurs? D'accord. Mais pas pour vos poumons ni rien, pour autre chose? La tête. La tête, la tête. Il faut voir un ostéopathe crânien. Ça, c'est impératif. On me le donne. Et tout ça. Et ça me monte dans la tête au niveau sur le côté droit aussi. Vous avez mal tout le temps le côté droit? Mais ça lance! C'est insupportable. Et vous vous mettez dans le noir quand vous êtes comme ça, non? Parce que... Ah ben dis donc, vous êtes courageuse, hein? Je ne sais pas comment vous faites, ma petite dame, mais... Parce que la douleur, elle est lancinante. C'est terrible. Et vous n'avez jamais vu un guérisseur ou quelqu'un? Qu'est-ce que vous avez fait avec vos dents? Mais des dents, je les enlève, je ne comprends plus rien, là. Ah oui, il a touché un nerf, il a touché quelque chose. Et on vous les a enlevés, ces implants? Parce que c'est tout ce, c'est bien simple. Tout ce qui n'est pas naturel pour vous, c'est pas bon. Votre corps, il rejette. Vous vous rappellerez de ce que je vous dis? On est bien d'accord? Oui, mais on dit qu'il faut voir un ostéopathe crânien. Vous avez au niveau de la mâchoire, au niveau des temporaux, au niveau de l'atlas. Il y a un sacré boulot à faire là, hein, d'accord? Il faut me remettre tout ça en ordre. D'accord? Vous voyagez? Vous voulez voyager où, madame? Pourquoi j'ai l'Inde avec vous? Ouais. Bah, c'est peut-être pour plus tard. J'ai l'Inde. Retenez-le. J'ai l'Inde, j'ai l'Égypte aussi avec vous. Marquez une de vos vies antérieures. Et vous avez la Grèce. Ouais, c'est pas loin, là. Quand est-ce que vous voulez aller en Grèce? Combien de temps? Vous l'allez où? Dans les Péloponnèses? Mais où? D'accord. Ouais. Athènes, ça marquera beaucoup pour vous. C'est d'une vie antérieure, c'est pour ça. J'entends Athènes. Athènes, ça marquera. La mer, c'est très favorable pour vous. Vous le savez, ça? D'accord. Pourquoi j'entends ennemi, ennemi? Vous avez eu beaucoup d'ennemis? Attention, vous, hein. Priez Saint-Michel, c'est important. D'accord? Vous priez pas? Qu'est-ce que vous faites comme prière? Vous avez du mal à prier. À chaque fois que vous priez, vos mots, ils se mélangent dans votre bouche. Ou je sais pas. C'est blablabla, puis je commence, après je perds la suite, je sais plus où j'en suis. C'est ça, hein? Voilà, c'est pour ça que vous priez pas pour moi. Faites pas les prières vraiment... Oui, il n'y a pas d'énergie. La nuit, vous dormez pas, madame? La nuit, entre 3, 4, 5 heures du matin, vous êtes éveillé, c'est ça? Toutes les nuits. On est bien d'accord? Depuis longtemps. Très longtemps, trop longtemps pour moi. Robert, ça vous donne quelque chose? C'est qui? Il est guérisseur, ce monsieur? Il vous a aidé? D'accord, il vous a aidé quand même, ce monsieur. Ça suffit pas. C'est pas assez fort. Vous avez été dans un monastère, vous, tout d'un coup, je suis avec des moines. Retenez-le, un monastère. Un monastère. Mais c'est pas en Suisse, hein. C'est pas en Suisse, ce monastère, d'accord? Il faut se déplacer pour y aller, dans ce monastère. Le nord de la France, ça marche pour vous, madame? D'accord, un ch'ti. D'accord. Vous le voyez plus, votre ex... D'accord, vous aurez certainement des nouvelles. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Bonjour. Le signe du poisson, c'est qui? Redonnez-le. D'accord ? On me donne ça. C'est drôle parce que là, je vous vois aujourd'hui, vous n'êtes pas bien et tout. Mais je vous vois alors une transformation sur vous, un truc terrible. Là, la femme que vous êtes, si je vous revois dans 2-3 ans, vous ne serez plus du tout celle que je vois là en face de moi aujourd'hui. Vous comprenez ? Vous voulez aider beaucoup les autres, c'est ça ? Oui. Malgré toute la souffrance qu'elle a et tout, elle est mignonne. Mais d'abord, il faut d'abord vous aider à vous, d'accord ? Et après les autres. On est bien d'accord ? Avez-vous une question à poser ? Elle est où ta chaîne ? Vous portez pas une chaîne, vous ? Vous n'avez pas porté une chaîne avec une médaille, vous êtes sûr ? Jamais, même quand vous étiez plus jeune. Oui, vous ne vous souvenez pas, mais ça marque. Alors, c'est quoi votre question ? Pas cette question, te dit là-haut. Oui, mais j'ai dit d'abord, il faut d'abord que tu t'occupes de toi. C'était pas ça que tu voulais me poser comme question, c'est autre chose. T'es compliqué, toi. Hein? Ouais. Peut-être t'oses pas parce qu'il y a du monde, c'est ça ? C'est sur le plan sentimental, non ? Ouais. Non, pas le retrouver l'ancien. C'est pas vrai, ça. Comprennent pas, hein. Goût de moisi, j'y reviens-en. Non, l'ancien, c'est fini. D'accord ? Quelqu'un de nouveau. On est bien d'accord ? Pas retourner avec l'ancien. Hein, c'est bien clair ? Je vous laisse. Embrasser la Suisse pour moi. Avec les tablettes de chocolat. Simone décédée, est-ce que ça marque de ce côté-là ? Simone décédée. Une amie à vous, madame ? C'est ça. Vous priez pour tout le monde, madame, vous ? Ouais. Oui, non, ça dépend. C'est vous qui avez des difficultés à marcher comme ça ? J'ai mal aux jambes, avez-vous ? Je vous parle pas quand ça me descend dans les jambes. Oh là là là là là là ! Et heureusement, restez loin. Non, je rigole. Puis alors, j'ai le plexus aussi, j'ai les jambes, j'ai les pieds et tout ça, on est bien d'accord, hein ? Vous marchez avec une canne, madame, vous ? Peut-être plus tard, mais on vous donne. On me donne ça. Alors, si Simone, c'était une très bonne amie à vous, c'est ça ? Qui était un peu comme une sœur, c'est ça ? Elle vous protège, madame. On est bien d'accord. C'est qui ces 5 hommes décédés proches de vous ? Moi, j'en ai 5. C'est une brochette, là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est... Ah ben, j'y peux rien. Mais ils sont dans l'au-delà, madame. De l'autre côté. Oui. Oui. Ah, j'en ai 5. Il m'en manque 3. Vous avez perdu un frère ? Non. Non ? Un beau frère ? Un beau frère, ça fait 3. Ben, ça compte, ça fait 4. Il m'en manque 1. J'en ai 5, j'ai dit. Un ami ? Non ? Vous êtes sûr ? Comment ça, dans les oubliettes ? Ah ben c'est bien, tiens. Vous écoutez beaucoup de musique, madame ? Voilà. Vous tirez les cartes, vous, madame ? Vous pourriez les faire, vous le savez, ça ? Vous avez le troisième œil qui est très ouvert et tout ça. Vous avez de la clairvoyance, vous le savez ? Quand vous voyez quelqu'un, vous dites, celui-là, je l'aime bien, celui-là, je l'aime pas. Vous n'avez pas remarqué ? En principe, vous ne vous trompez pas. Hein ? Vrai ou faux ? On est bien d'accord. Qui était couturière ? J'entends madame la couturière. Donc c'est vous ? D'accord. Et qui c'est qui faisait tout à la main ? C'était maman, hein, qui brodait comme ça. Puis elle me fait tirer l'aiguille comme ça. Comme ça, tirer l'aiguille. D'accord. Et qui c'est qui avait la vieille machine Singer avec la grosse pédale ? J'entends. C'est maman ? Ah, vous avez commencé avec la vieille machine, avec la grosse... Vous l'avez gardée, cette machine, madame, non ? Ah oui, elles sont belles, ces machines. On me donne ça. Vous faites plus de couture, madame ? Non, on me dit terminer la couture. Voyons. Il y a la peine d'avoir tout, le matériel et tout, fait plus. Mais vous faisiez tout, des robes, des rideaux, des coussins. Tout. Des dessous de lit, non, je rigole. Des draps aussi, vous faisiez aussi ? Avec l'élastique, là, vous savez, pour mettre dans les coins et tout, là. C'était des draps avec des broderies, avec des initiales. Oh là là, Mazette. On me montre toutes les initiales comme ça. En parlant d'initiales, la lettre L et la lettre C, ça vous donne quelque chose? Et on me montre des belles écritures à l'ancienne, comme ça. Tu vois, le L, comme ça, bien... C'est qui? Comment il s'appelait, ce monsieur? Ben non, j'ai dit L ou C. C'est pas Raymond. Oui, L. Oui. Lucien, Ludivine, un prénom comme ça, un peu à l'ancienne. Louis. Louise, ça vous donne rien. Vous retenez L et C, c'est des prénoms. Comment c'est votre nom de jeune fille? D'accord. Vous avez pas mal voyagé, vous, madame? Voilà. Vous voulez encore voyager? Oui, j'entends. Voyage organisé, c'est ça? Ah bah, dis donc. Vous ferez de vos petits voyages organisés, vous inquiétez pas. Hein. Vous aimez bien manger? Vous avez un bon coup de fourchette? Moyenne. Faites la cuisine, madame? Vous faites très bien la cuisine. C'est vous qui faites la cuisine dans des cocottes en fonte, comme ça? C'est qui faisait la cuisine? J'ai des trucs qui mijotent, là, comme ça. Et puis j'ai la cocotte, comme ça, en fonte. Elle pèse une tonne. Il faut y aller. C'est qui faisait ça? C'était vous. Mais vous l'avez fait. Vous faisiez la cuisine pour tout le monde? L'auberge est bonne, alors. Vous donnez l'adresse en sortant. Non, je rigole. Ben oui, parce que je voyais des cocottes. Et puis vraiment, les plats, vous savez... Comme on dit, par exemple, on fait un pot-au-feu, on fait un ragoût, on fait des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui, quoi. On est bien d'accord? Et il fallait nourrir tout le monde, on me dit. Voilà. C'était qui, tous ces gens, madame? Pourquoi la période de Noël, on montre un sapin de Noël avec plein de boules dessus, en couleur. Pourquoi la période de Noël, ça marque comme ça pour vous, madame? Ah, c'est pour ça. Le sapin de Noël. Et vous le faites, le sapin de Noël, maintenant? Faites le sapin de Noël, ma petite dame. C'est important pour vous, symboliquement. Mais même si vous me faites un petit, mais faites-moi un petit sapin. D'accord? Ressortez-le à Noël, madame. Qui c'est qui est mort pendant cette période-là? Avant, ben voilà. C'est pour ça qu'on me dit, mets ton sapin de Noël, j'entends là-haut, mets ton sapin de Noël. Ça fait longtemps que vous êtes veuve, madame? C'est votre mari qui était très distingué comme ça? C'est un bel homme, votre mari, madame. Toujours très distingué, costume, cravate et tout. Il mettait des cravates bordeaux et bleu marine. Vous vous rappelez plus? Mais moi, je le vois. On donne ça. Pourquoi j'entends j'étais usée? Il était usé, madame, votre mari? Il avait beaucoup travaillé, ce monsieur? Il a commencé à travailler très jeune? Voilà, parce qu'il me dit j'étais usée, j'étais très usée. Ben oui, mais vous dites non, vous. Alors moi, je veux bien. Souvent, ils disent non, puis après, quand ils cherchent, ah oui, c'est vrai, mais oui, mais je suis plus là, moi, hein, d'accord? On me donne ça. Usée, ma petite dame, ce monsieur. Toute sa vie, il est parti de rien, il a réussi. Ben, chapeau. Regardez ce qu'on me fait faire. Parce que c'est quelqu'un qui est parti de rien et qui a réussi. On est bien d'accord? Qui c'est qui mettait toujours des chapeaux comme ça, un peu des feutres, c'est ça qu'on appelle? Pas le Capone, mais pas loin. Vous voyez, les chapeaux un peu, les Borsalino. Qui c'est qui mettait ça, madame? C'était pas un prétendant que vous aviez? Non? Ça vous donne rien, ça? Vous rechercherez. Parce que ça marque. Hein. J'ai quelqu'un, un homme là, qui arrive avec un beau chapeau sur la tête. Très élégant, avec des gants, avec un chapeau, un espèce de par-dessus, vous voyez. Très, très élégant, ce monsieur. Ça vous donne rien? Ben, ça marque pourtant. Vous avez déménagé beaucoup de fois, vous? Vous acheté un camping-car. Parce que je vois, jamais tenir en place, c'est pas toujours, jamais le même lieu. Combien vous déménagez avec votre mari, madame? Elle se rappelle, vous avez beaucoup, beaucoup déménagé. D'accord. Et donc, plusieurs villes, vous avez fait comme ça? de France, on dit. Vous avez changé pas mal de régions et tout ça. Pourquoi la région Rhône-Alpes, ça marque, madame ? En Rhône-Alpes, à Lyon, dans les alentours ? Ici ? D'accord. Et vous voulez la vendre, cette maison ? Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Ah, ça y est, vous avez... Ah ben, vous avez bien fait, parce que c'est du boulot. Hein. Après, c'est l'esclavage, c'est vrai, on a toujours quelque chose à faire. On me donne ça. Oui, votre mari me dit de vous dire, vous ne manquerez jamais de rien, madame. Est-ce que vous comprenez le message ? Ça vous fait peur, des fois, un peu, ça ? Non. Et vous irez tout, jusqu'au bout, toute votre tête, vos deux bras et vos deux jambes, ma petite dame. Ce qui veut dire pas Alzheimer ou pas une maladie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que c'est vrai. Ben oui, parce que quand vous avez, comme vous avez mal à vos jambes, et des fois, vous avez peur. Vous dites, ah là là, si je vais sur une petite charrette comme ça, là, non. Mais vous, non, mais vous irez pas. C'est ce qu'on me dit de vous dire. D'accord ? Et vous partirez d'un coup, madame. On vous l'a déjà dit, hein. C'est la belle mort, comme on dit. Et c'est tous ces hommes qui viendront vous réceptionner de l'autre côté. Eh ben oui, c'est comme ça. Est-ce que vous avez une question, madame ? Pas de question ? Posez-la votre question. Il faut que j'aille la chercher un peu. Allez, madame. Courage. Oui, alors ? Faut y aller ? Pardon, si ? Ben, faut y aller, vous voyez ce que je veux dire ? Je peux pas y aller pour vous, moi. C'est-à-dire que vous, il est plus jeune que vous, ce monsieur. Oui, mais il est plus jeune. Il est tout seul. Ah ben, pas faire un dessin. Hein. Oui, mais chacun chez soi, c'est ça. Voilà, parce que j'entends, il peut y avoir quelque chose, mais chacun chez soi, d'accord. Pas revivre avec quelqu'un au jour le jour. Voilà. Ah ben alors, oui, je pense que vous êtes entendu, vous. Voilà, madame, je vous laisse. Un peu plus jeune, donc ça va, ça le fait. Hein. On va faire des questions un petit peu. On va faire quelques... Pour ceux qui n'ont pas eu, ça c'est très précis, parce que s'il faut, tac, tac, ça répond direct. Pour faire plaisir un peu à tout le monde, oui. Comme ça, vous n'êtes pas frustrés, vous passez un bel été après. Bah oui, on essaye quand même. Vous posez une question... Mais ceux qui ont eu, ils ne lèvent pas la main. Hein. Vous posez une question précise et pas 10 questions dans la question. Est-ce que vous comprenez ? Alors, je vous écoute. Oui. Est-ce que je vais trouver ma voix ? Ben, vous l'avez déjà trouvée. Pourquoi vous dites est-ce que vous avez trouvé votre voix ? Je ne comprends pas. Exercer, en vivre. Oui, mais pas à l'endroit où vous êtes, madame. Je ne sais pas pourquoi. À l'endroit où vous êtes, ça bloque, ça stagne. Il y a quelque chose de pas bon. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez un gros arbre pas loin de chez vous ? Voilà, c'est ça. Il y a un truc et ça ne va pas. Je ne sais pas pourquoi. Pas à cet endroit où vous êtes, madame. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Oui. C'est oui. Ben, c'est oui. T'aimes bien les grands, toi ? Parce qu'il est grand quand même pour toi, mais c'est pas grave. Les grands, ils aimaient les petites, donc... Mais c'est vrai en plus. Oui, madame. Oui, mais après, derrière, vous vous refâcherez. Parce qu'elle vous l'a fait plusieurs fois, ça, non ? Ben, vous verrez, madame. Vous vous réconcilierez et vous vous refâcherez derrière. Je m'excuse. Monsieur, est-ce que vous aspirez à ça ? Vous cherchez ou pas ? Non. Vous voulez changer de travail, mais vous attendez que ça tombe du ciel ? Ben non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Invoquez Saint-Joseph, monsieur, pour changer de travail. Oui, madame ? Oui, mais pas un mari. Pas la belle-sœur, non ? Oui. Pas tout de suite. Vous cherchez, là ? Oui. Vous avez visité des choses ? Ça ne vous plaît pas ? Oui, vous avez visité des choses qui ne vous plaisent pas. Continuez vos recherches. Oui ? Attends, j'entends pas. Ils parlent tous en même temps. Comment ? Oui, mais alors lui, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir. Hein. Il pense à sortir, à être avec... Non, il est introverti comme garçon. Voilà. Mais il faut être derrière lui, madame. Il ne faut pas le lâcher, votre fils. Hein. D'accord ? Il y a du monde, je sais, mais... Tu la poses, sa question ? À moi ? Ben oui. Non. Elle est originale, celle-là. Hein. Non. Non, elle ne va pas se tuer avec. Oui. Vieille, oui, en santé pour l'instant, je vois pas, mais je vois encore des années devant toi, c'est pas terminé. Oui, derrière. Ouais. Il y aura deux rencontres. Oui, au fond. J'entends pas. Chut. Longtemps quoi à vivre ? Un changement de saison, madame. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. J'entends un changement de saison. Un changement de saison, ça peut être du printemps à l'été ou de l'été à l'automne. Vous vous rappellerez, madame ? Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Oui ? Oui, il va s'en sortir et va rebondir sur autre chose, ton fils. Puis il en veut aussi, il se bat. C'est un battant. Tu peux tenir encore 2 ans ? Oui, parce qu'il y a une mauvaise ambiance, c'est ça. Elles sont mauvaises, hein. C'est que des femmes. Mais c'est que des femmes. Elles sont mauvaises, les bonnes femmes avec qui tu bosses. Oh la vache. Oui, t'es aidé. Mais le problème, voilà. Le problème, c'est que si tu tiens les 2 ans, tu partiras, si tu veux, avec une bonne retraite. Tu comprends ce que je veux dire ? Si tu pars maintenant, ça veut dire que tout ce que tu as fait depuis des années, c'est caduc. Franchement, essaie de me tenir les 2 ans. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. C'est oui, madame. Très bien se passer. Monsieur ? Oui, vous ? Non, il y a une petite amélioration de santé. Oui. C'est une création, parce qu'on me dit ça n'existe pas. Tu reprends pas l'affaire de quelqu'un, c'est que tu crées quelque chose. C'est oui, mais il faut tout noter. Note tes choses que tu veux faire, les couleurs, les machins. Tout. C'est très important. Dans le détail, le moindre détail est important. Monsieur. Est-ce que ma mère est passée ? Oui. Très bien. Et vous, est-ce que vous êtes bien ? Ça pourrait aller mieux. Hein ? Vous avez du mal à accepter par rapport au départ de maman ? Oui. Mais vous auriez aimé lui dire plus. Ben elle se repose. Vous lui ressemblez en tout cas à votre mère. Hein. Ah bah si. On vous l'a jamais dit. Bah si. Regardez les photos, monsieur. Pas de questions. Tant pis. Oui. Oh, pas qu'au niveau de la bouche, chérie. C'est général. Oui, mais c'est général. Et c'est ta tête qui ne va pas. C'est le premier étage. Et ouais, ce niveau psychique, quelque chose. Il y a une ultra-sensibilité chez toi qui est à fleur de peau, elle est, cette fille. Hein ? C'est ça, hein ? En amour, vous êtes bien ? En amour ? C'est relié, oui. Madame ? L'union fait la force, hein ? Non, je rigole. Et la force fait l'union, c'est ça ? Non, je crois que l'union, il faudra se faire opérer. Tôt ou tard, c'est reculer pour mieux sauter, mais il faudra se faire opérer. Madame ? J'entends pas. Et on ne sait pas les stopper. Oui, alors ? Oui, madame ? Au fond ? Il y en a 4, madame, qui sont décédés. Ils sont tous ensemble de l'autre côté. Oui, très bien. Ils jouent dans de l'herbe. C'est bizarre, je suis dans un pâturage avec vos chiens, madame. Oui. Tu l'as demandé le changement professionnel? Non. Tu l'as demandé le changement professionnel? Non, tu ne l'as pas demandé. Demande-le si tu veux changer de profession. Oui. Ça fait longtemps qu'il est décédé? Il est sur un plan de musique. C'est qui pour vous, madame? Mais il écoutait tout le temps de la musique? Ben, ça continue là-haut, c'est gay, hein, c'est pas triste. Hein. Oui. Ah ben là, en ce moment, il travaille. Il est occupé, madame, votre beau-frère. Ben oui, mais il est occupé. Très bien, parti. Oui, il a mis du temps à accepter de l'autre côté. Au fond, est-ce que vous cherchez? Ben, cherche. Ouais, oh là là, c'est pas vrai, c'est comme le déménagement. Il cherche pas, après, il me dit, ah, parce que non, il va pas tomber tout cuit. Hein. Oui. Il est en retraite, votre mari? Voilà, il ne supporte pas la retraite, ce monsieur. C'était un monsieur qui était très actif, voilà. Et lui, le fait de ne plus travailler, tout ça, il ne supporte pas. Il fait une activité, il fait quelque chose. Madame, votre mari, il faut qu'il se trouve une passion. Vous entendez ce que je vous dis? Eh bien oui, ben justement, j'aime pas les gens qui n'ont pas une passion. Il faut qu'il se trouve quelque chose. Je ne sais pas, la cuisine, n'importe quoi. Non, c'est ça qui est malade. D'accord? Oui, au fond. Renfermé? Il est au point mort? S'il va passer la première? Je pense même que de la première, il passera la deuxième aussi. Je pense que quand ça va arriver d'un coup les choses sur lui. Au fond, d'un coup ça arrivera sur lui. Au fond, oui. Levez-vous, je ne vois pas. Merci. Non. C'est ça qui te rend malade en plus. Oui. Bah déjà, il faut faire le deuil gentiment, accepter tout ça, et puis il faut prier pour lui, madame. D'accord. Vous le faites? Oui, mais il faut prier pour lui aussi. C'est important. Je vous ai dit, madame, vous mettez une photo, c'est pas la peine d'en mettre 5-6, une photo, une belle photo de lui, une bougie, une fleur coupée. D'accord? Il est incinéré, ce monsieur? Voilà, parce que vu, j'ai la fumée qui part. Ouais. Il me dit, c'est ce qu'il voulait, c'est exact. Et vous l'avez dit, c'est bien, vous avez respecté ses volontés. Il est content. Bon, vous en aviez déjà parlé tous les deux. On est bien d'accord? Et vous avez respecté sa volonté. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Une dernière et on s'en va après. Oui? Pas vraiment, non? Je m'excuse, madame, pas vraiment. Qu'est-ce qu'elle ose pas? Vas-y. Ose. Qu'est-ce que vous voulez? Il cherche votre fils du travail, madame? Il cherche. Non. Oh, madame, excusez-moi. J'entends, il a un poil dans la main qui lui sert. Il a un poil dans la main qui lui sert de canne. C'est un vieux dicton qu'on dit chez nous dans le sud. Ça veut dire que... Quel âge a-t-il? C'est un beau gars, hein, mais... Il n'y a qu'une nana qui va te le remettre d'équerre, celui-là, parce que... Ouais. Il avait grossi, ce jeune homme, ou pas? Il a eu un problème de poids? Il n'a pas eu un problème de poids, une époque, il n'avait pas grossi ou maigri? Voilà. D'accord, on me parle de ça. Il sort, il fait beaucoup par... tout le temps. Internet. Oh là là là là. Il fait des jeux, madame, votre fils. C'est très mauvais, hein, tous ces jeux, hein. Je suis pas pour moi, parce que ouais, il est dans le, comment expliquer ça, votre gamin, madame, il est dans le virtuel, il est pas dans la vie de tous les jours. Il faudrait couper et qu'il aille faire du sport, qu'il aille faire des choses, qu'il sorte et tout ça. Vous comprenez, madame? Voilà. Il vit avec vous? Puis l'auberge, elle est bonne aussi, hein. Vous payez tout, vous, non? Ben oui, bien sûr. Les parents peuvent pas. Ben oui, c'est son fils en même temps. Vous n'avez qu'un fils, madame? Comme pour 10, le vôtre. Hein? Ben oui, des fois, on n'en a qu'un, mais alors, disons, bonjour. Hein? Enfin, comme moi, avec la mienne. Hein, on n'est pas déçus. Hein? Ouais, mais pour l'instant, moi, je ne le vois pas. Il voudrait faire quoi, ce gamin? Il ne sait pas, il est perdu un peu en ce moment. Voilà, c'est ce qu'on dit. Il n'a pas voulu reprendre des études, votre fils ? Bon, moi, on me donne des études. Je ne sais pas quelles études. Et le permis de conduire, on me donne aussi. Il a passé le permis de conduire ? Il a eu, ça y est ? Non. On me dit. Écoutez bien ce que je vous dis. On me donne les études d'un côté, de l'autre côté, le permis de conduire. Est-ce que ça le fait ? Vous comprenez le message ? D'accord. C'est pas la peine de trop prendre des leçons. Faut pas vous faire avoir par l'auto-école. Hein. D'accord ? Elle est claire, votre auto-école de votre fils, là ? Ah bon. Il faut, hein, parce que c'est important. Vous êtes de l'Alsace, vous, madame ? Voilà, Franche-Comté. Voilà. Le pays du comté, c'est bon, hein ? Quand je vais là-bas, je ramène tout le temps. Hein ? Et vous y allez pas là-bas, dans votre pays ? D'accord. Vous avez de la famille encore là-bas ? Voilà. Donne ça. Qui c'est qui est enterré, qui a beaucoup marqué pour vous ? Ah, d'accord. Ça a beaucoup marqué. Il est là tout le temps, il vous aide. Il va vous aider pour votre fils, madame. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Voilà. Messieurs, dames, merci.